Salut tout le monde, c'est Dylan. Bienvenue dans la classe. Ça va encore être une émission de ouf ce soir. Je vous mets bien. J'ai des heures de cours gratos à vous filer. Des bons points, du rap de Chou Bruxelles de ce midi à la cantine. Des bons scuds à streamer et un max de vannes. Comment va trop ce gaulerie ce soir sur Indestar? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, on est heureux de t'avoir avec nous, Amel. Oui, j'étais pas là. Le retour de la grande déesse. Oui. Ah merci. Ah ouais, Citroën. Citroën. Ouais. Celle qui fait plus de d'automne. Oh, et on a des bananes ce soir. On a... Mais c'est pas des bananes. C'est pas des bananes. C'est pas des bananes. Théo, c'est quoi ce dessin? Je sais pas, c'est très visuel en tout cas. Non mais tu apprendras ça tout à l'heure. C'est ouais, je crois, ouais. Ok, alors on va être dans un instant également sur Twitch, je crois, mais il va falloir qu'on lance le stream. Ça serait bien de lancer ça y le stream. C'est bon ? Ah, super, Lisa. Ah. Et bon, on est sur Twitch. Et aussi, si vous voulez écouter en plus de indestar.fr, Amel. Oui, c'est ça. Et on peut appeler. Ah, on peut appeler. On peut appeler. C'est vrai, on a un numéro 09 de téléphone. 70 407 306. Un numéro de téléphone que tu connais par cœur depuis 4 ans. Bien sûr, c'est pour ça que je te regarde. C'est pour ça que tu me regardes, parce que à côté de moi, il y a le numéro de téléphone inscrit sur le mur. Tout à fait. Ce soir, ouais, nous avons Teddy avec nous. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis toujours là. Oui, c'est vrai qu'il est assez présent. Est là, et tu sais que vendredi dernier, pour ceux qui ont suivi un petit peu le Twitch, c'est passé un événement exceptionnel. On était aussi présent. On était sur le Twitch en essayant une nouvelle émission. D'ailleurs, les filles, vous étiez très présentes aussi dans les commentaires, c'était cool. Ouais. Avec Anaïs aussi. Mais sur Indestar, on était présent aussi pour une émission, in the same time. Ouais. Et on était aussi sur la chaîne Twitch de Starter. The South Time. Ah la vache. Ouais. Trois fois en même temps. On peut être à trois lieux différents. On est tellement fort. On se parfait, duplique. Parfait les gars. Ouais, on est bon. Nous avons le retour d'Antoine. Bah retour d'Antoine, je sais pas pourquoi, mais oui, ouais. Allez. Il est parti. Il est revenu. On en voulait pas spécialement. Il a vu la lumière. Elle est venue. Nous avons Anaïs aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Il vient d'arriver. Veto pour le chat, c'est important. Veto pour le chat. Et qu'est-ce qu'il a le Mimi? Rappel de vaccin. Rappel de vaccin, oh, ok. Ça va. Tu es rien, ça. Je pensais qu'il avait. Non. Ça coûte juste 150 merde, balles, il mais pas c'est. Pas bien. Encore. Combien avons... 59 balles, ok. Nous avons Lisa aussi avec nous. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lisa. Bonsoir à toi toute seule, en pleine forme. Ouais, non, j'ai un rhume quand même qui. Ouais, on entend un petit peu, mais vraiment. Y a c'est deux, léger. Il y a deux jours, tu m'as envoyé un mail en disant ah, ouais, pas comme ça. Elle a parlé comme ça dans le mail. Dans le mail, elle était. J'étais à l'article de la mort. Ça va un peu mieux, mais j'en tiens une bonne quand même. Ouais. Et Nico, il s'appelle Pépette Solène. Désolé, oh, c'est comme ça qu'il appelle sa chérie. Hein. C'est vrai, c'est comme ça que tu l'appelles. Ouais, j'appelle comme ça. D'accord. C'est horrible parce que c'est comme ça que j'appelle mon. Ton chien? Ouais. Non, ma chienne? Non, ma. Ah, en bas? Ouais. Ah, ouais. On n'avait pas compris. Je dis ça, une pépette, c'est plus mignon, je trouve. Voilà. Okay. Mais écoute, moi, chacun ses surnoms. Hein, techniquement, c'est un peu sa pépette. Mais je pense que je le prendrais mal qu'on m'appellerait pépette. Mais... Ouais, ouais. Bah, elle a pas l'air, Solène, ça va. Ça, j'ai beaucoup de chiennes qui s'appellent pépette. Bien, ouais. Au contraire. Au contraire, d'accord, c'est elle est très heureuse. Nico, comment vas-tu? Ça va, ça va. C'est vrai? Oui. Tout va bien dans la campagne? Oui. Bon, très bien, t'as accueilli Antoine, j'avais appris ça. Oui. Un nouveau colocataire. Je suis un réfugié. T'es un réfugié. On peut vraiment appeler ça un colocataire dans une caravane ou pas? Bah oui, c'est d'accord. Y a pas de taille pour. C'est une roue de secours. Du coup, on dit caracataire. Caracataire? Ouais. C'est une roue de secours. C'est le caracataire de Nico. Ouais. Oui. Bon. On est des hippies maintenant. Exactement, c'est ça. J'attends que tu te fasses pousser les cheveux. Ouais, y'en a plus de toute façon. C'est compliqué. Son maximum de ce qu'il peut faire. Ouais, mais c'était beau gosse ce soir. Ah, c'est vrai que t'es beau gosse, vas-y. Ah ouais, bien, tranquille. Il retourne au collège ce soir. J'ai pas le choix, j'ai dû travailler donc. Ouais, parce que ce soir, c'est un petit peu l'idée. On va retourner au collège comme une fois par mois dans la classe. Hein. Et cette semaine, c'est en troisième, je crois. Troisième Q, il me semble. Troisième Q, ouais. On ne sait pas encore. C'est étonnant. Normalement, dans la classe à laquelle on va être affecté, même si on a reçu le petit papier. Oui, mais moi, le directeur, il me l'a déjà dit. Ah ouais, mais peut-être que ça peut changer. Peut-être qu'il peut t'envoyer dans une autre classe. D'ailleurs, je lui ai dit, les élèves que je vous envoie, vous êtes pas prêts. Ah, parce que toi, tu t'es senti au-dessus du lot. Non, mais niveau intellectualisation et tout ça, c'est horrible. Intellectualisation. Eh oui. Elle connaît son plein potentiel. Mais en même temps, là, ce soir, nos élèves sont là pour apprendre. Donc nous allons forcément en ressortir grandis de cette expérience. Et vous aussi. Non, je suis toujours maison. 1m59 à la fin de l'émission. Mais non, mais c'est à des lieux que tu vas grandir. Pas tous. Mais ça va, je rigole, ma blague. Tu ah, ça va, t'as cru bon, que c'était une émission intellectuelle, t'as dit ou quoi? Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller chez le principal. Donc, ouais. Monsieur Boulard, alors j'ai l'impression que c'est toujours le même. Hein, il part tout ce monsieur Boulard. Il est souvent viré. Il est souvent viré ou alors il est muté, retrouve un autre muté. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Et en même temps, les élèves aussi sont souvent mutés. Oui, mais nous c'est normal, c'est le concept. Donc nous allons aller chez le principal, il va nous affecter à une classe, peut-être les 3e Q, peut-être autre chose, on ne sait pas. Et nous allons devoir suivre des cours pour obtenir, je le rappelle, la meilleure moyenne à la fin du trimestre, parce qu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire avant 23h, il y a un conseil de classe. Ouais. Avant 23h ? Avant 21h, pardon. Ouais, parce que, là, c'est vrai qu'il n'est que 19h. Ouais. Techniquement, c'est avant 23h aussi. Avant 23h. Est-ce qu'on on se mouille pas en disant ça? Ça sera mieux. Et le conseil de classe, il a pour but non seulement de récompenser le meilleur élève de la commu, mais aussi de détruire le pire élève de la classe. Oui, il a un double but. Donc Pépette, tu vas prendre cher du coup. Mais non, Pépette, elle va bien s'en sortir, j'en suis certain. Mesdames, messieurs, allons chez Pépette, monsieur tu vas Boulard. Prendre cher, ouais, ça... Ah putain, oui. Entrez. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, jeune collégien. Putain, ça commence mal. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Merci. Enfin, il a toujours la même sale gueule, lui. Pourquoi? Je reconnais, lui. Encore quelques frimousses qui me sont familières. Ben oui, vous êtes monsieur Boulard, non? Exactement. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes revenu, monsieur? Enfin, moi, je vois sur vos dossiers, c'est moi qui pose les questions, ici. J'aimerais bien voir votre dossier. Que cette mutation de votre part n'est pas liée à un déménagement, mais bel et bien à des exclusions. Alors non, je voulais pas le dire, mais de base, nous sommes en mission pour le rectorat. Nous faisons des inspections de collège. Alors on vous a rien demandé, monsieur Roberto. Ouais, ouais, c'est vrai. Autant vous dire qu'ici au collège, t'es pas venu, il va falloir vous tenir... Oh, là-bas ? Plus qu'à carreau, je dirais jacquard. Très bien, c'est clair pour tout le monde ici. Jacquard ? Oui. Jacquard, oui. Comme vous voulez. Il est marrant, le directeur. Ouais. Maintenant que nous avons éclairci les règles, je me présente, donc monsieur Boulard, pour ceux qui ne connaissent pas... sorte de grand Manitou de cet établissement. Donc je me dispenserai de vous présenter l'équipe pédagogique. J'appelle tout de suite mademoiselle Auger Adèle. Je suis là. Monsieur Carlos Roberto, on vous a repéré. Ah bah oui, c'est moi. Hein. Monsieur Sandri Alex. Ouais, c'est moi, je suis là, je suis présente. Madame la voisine Rachel. Je suis là. Ouais. Allez, à côté. Monsieur Tonion Thomas. Oui, je suis là. Oui. Mademoiselle Lailama Ida. Oui, c'est moi. Vous avez embelli, monsieur, cette année. Merci, je vous remercie. Ça flatte. Mon Dieu, mais quel lèche-queue. Monsieur Lick Cyril. Présent. Oui. Et enfin, mademoiselle Yevo Sarah. C'est moi. Très bien. Alors, je me permettrai quand même de dire que madame Lailama Ida nous vient du Tibet, donc je vous prierai d'être indulgent avec elle. Que monsieur Lick Cyril nous vient de Macédoine et pas celle que vous mangerez ce midi à la cantine, donc oh, vous prierai d'être indulgent avec lui. Et enfin, que madame Yevo Sarah nous vient de Serbie, je vous prierai donc d'être indulgent avec elle. Est-ce que c'est clair? Vous parlez bien, monsieur. Oui, oui. Tout à fait. Donc, vous serez tous affectés à la salle, à la classe, pardon, des 3e Q. Les jeux de mots sont autorisés. Dans votre emploi du temps de la journée, bah, vous aurez pas. Le bonheur de participer au cours d'art plastique avec monsieur Rouleau, à une séance de prévention des risques liés à la reproduction de l'espèce humaine. Ce sera avec votre professeur de sciences et vie de la Terre. Ah, ça, je connais. Hein. Madame Chibre. Le français vous sera enseigné par madame Descartes. La PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, j'imagine. C'est peut-être autre chose, mais il n'y avait pas de définition sur Google. En tout cas, ce sera avec monsieur Basile. Oui. Vous allez débuter la psychologie avec madame Descompenses. Oh. Regardez, monsieur, à quoi je pense? Ça sert à quelque chose, la psychologie? Ouais, vous pouvez deviner à quoi je pense. Encore une dérive du ministre, ça. L'histoire avec un petit H, car c'est monsieur Buisson que vous aurez. L'éducation nationale l'avait exclu, mais bon, on manquait un petit peu de profs, donc il sera présent. On va avec ce qu'on a, comme on dit. La devise de l'établissement, je vous la rappelle. Mesdames, messieurs, soyez concentrés, je vous en prie. Oui, monsieur. Chacun essaie, tout le monde réussit dans l'effort et la sueur. Mangez-bougez.fr. Je vous souhaite une bonne journée, jeunes gens. Eh ben, merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Boulard, c'est ça, ouais. Monsieur Boulard, tout à fait. Roberto, attention, risquez l'exclusion. J'ai l'absucé. Ça serait quand même dommage. Oui, je m'exclus là, je sors. Et c'est ça, excluez-vous. Bonsoir, messieurs, dames. Pouf. Il est lourd encore. Et nous, juste avant ça, juste avant de commencer les cours, on va écouter. Pardon. Ferme bien ta gueule. C'est ça qu'il y avait. I am fermant ma gueule. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Mais bien sûr que non, si. Non, mais il se réveillait. Si, tu peux le dire en anglais. Shut up. Shut up. And let me go. Là, tu m'as perdu. Mais on va écouter un son en anglais. Ah oui. Vas-y. Horizon Blue. Ouais. Got you on my mind. Quoi? Mind. Mind. Comment tu es M-I-N-D? Got you on my mind. T'as fait anglais en 6ème quand même. Bah j'ai dit mind. Oh, ouais. Oui. Oh, c'est de la bonne ça. Le mec qui dit à sa rhum, tu sais pourquoi faut s'habiller correct quand on va au bahut? Non, pourquoi? Pour avoir la classe. Bienvenue sur Indestar, les friends. Eh oui. Je fais souvent des bêtises, comme briser le vase de maman ou bloquer l'iPhone de papa. Et à chaque fois, ils viennent nous gronder. Ça me fait rigoler. Tellement de la bonne musique sur Indestar. Je connais pas du tout. Ouais, je connais pas. Alors c'est les talents d'internet. C'est, je crois qu'elle a genre 9 ans. Ah non, pas du tout, heureusement. Heureusement qu'on a pas déjà fait une version originale de Citroën. Je rêve ou t'as changé de son? Moi? Non, t'as baissé mon casque. Ouais. Pour ça, je vous entendais parler petit à petit en fait. Hop là. Ah, baissé le casque. C'est pour ça que du coup le mien il reste fort, tu vois. Comme elle est à la technique, elle se permet des choses. Tu sais qu'il est tout en haut ton casque. Il est tout en haut ton casque. Ouais. T'as moi, mais à chaque fois je confonds le haut et le bas, tu vois. C'est comment tu fais? Je sais pas. Genre elle descend dans sa chambre. Quoi? Non? Tu confonds avec le haut et le bas. Non, elle dit souvent que les gens ont des gueules de cul. Quoi. Ça marche aussi. Ça dépend des gens. Non, elle monte en bas. Elle monte en bas. Mais non, tu sais qu'on ne dit pas non plus on monte en haut. Hein. Oui, je sais, ça se dit pas. Et on ne descend pas en bas non plus. Et on descend pas en haut non plus. Et non plus. C'est bon, bref. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de notre quota de français ce jour même parce que on n'a pas de cours de français de prévu, si. Amel. Si. Oui, c'est. Alors oui, mais bon. Toi, t'as pas écouté le proviseur. T'as pas écouté Monsieur Boulard, toi. C'est vrai que c'est marrant ça. J'ai pas écouté Monsieur Madame Boulard. Descartes. J'étais un peu distrait. Alex était distrait. Bravo. Bon, soit. Pourquoi pas. Il était attentif sur son texte et pas sur les. Non, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'allait pas commencer par du français. Mais il se rattrape bien. On va commencer par de l'art plastique. De l'art plastique. On a des crayons, on a des stylos. Ah ouais, c'était prévu. Alors, mais. Alors moi, j'ai les ardoises. Mais je suis pas sûr que ça va vous être utile tout de suite. Ça vous serait certainement utile après. Enfin, il faut dessiner, sinon c'est pas de l'art plastique. Hein. Je sais pas. On va aller voir Monsieur Rouleau après tout. À la maison, vous allez pouvoir prendre une feuille et un stylo aussi. Quoique, est-ce que ça servira à quelque chose? Je sais pas. On va tarder à le savoir. À la volée. Allez, c'est parti. Laissez-vous bien rentrer. Oula, oui, bonjour. Il a le Covid, lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes malade? Bonjour à tous. Pourquoi je serais malade assis? Moi, je trouve que vous avez bonne mine. Merci, madame. Attendez, vous avez quel âge, monsieur? J'ai 58, hein. Pourquoi vous me demandez cette... Je crois que vous avez pas mieux de la voix. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, d'accord? Merci, merci. Ok. Alors, vous êtes bien aujourd'hui, donc en cours de art plastique. Très bien. Et je serai votre prof d'art plastique. D'accord. Monsieur Rouleau, je me présente. Vous êtes sensible, monsieur, non? Je suis tout. Vous êtes peintre en bâtiment? Rouleau? Alors, je vous prierai, s'il vous plaît, monsieur. Sors, prends la porte. Ouais. Votre prénom, c'est... C'est Thomas. Il me semble que c'est monsieur Roberto. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Monsieur Roberto, je vais vous demander un petit peu de vous calmer, de baisser d'un ton, ok? Oui, monsieur, d'accord. Sans problème. Alors aujourd'hui, notre cours va consister à déconstruire la construction que vous avez du dessin, n'est-ce pas? Oui, peut-être. D'accord. Et comment on fait ça, monsieur? Alors, pour cela, nous allons utiliser une partie du cerveau que vous utilisez très peu jusqu'alors, ok? Je vais vous demander... d'écrire sur votre ardoise combien vous pensez qu'il y a de zones différentes dans votre cerveau. Attention, il y a un piège. Pourquoi un piège? Et pour ceux qui n'ont pas de cerveau? Je vous prierai, s'il vous plaît, mademoiselle, c'est ça, de vous abstenir de tout commentaire. Combien de zones ouais. Alors, on a du 8, on a du 6, on a du 2, on a du 5, on a du 4, on a du 4 et on voit du... On voit pas. Hein, c'est le cœur qui a quatre parties. Vous êtes myope en plus d'être sensible, monsieur. La bonne réponse était 2. Ah, très bien. On est nul. Il n'y avait pas de piège, hein, sauf pour Adèle, évidemment. Vous n'avez qu'une seule zone, c'est la science qui le dit. Ne rigolez pas trop, Roberto, parce que. Pas parce que vous avez deux zones qu'elles sont bien remplies. Hein. Roberto, tu peux me donner un autre crayon, s'il te plaît? Bien sûr, mademoiselle. Merci. Comment tu t'appelles déjà? Rachel. Rachel, oh, c'est cool. Bon, monsieur, bah attends, je te connais. J'ai pas des points. Bonne Rachel. Bonne Rachel. S'il vous plaît. En tout cas, sachez que c'est la partie gauche, donc vous allez l'utiliser le plus souvent pour dessiner. Mais est-ce une bonne chose, à votre avis? Oui? Non, je suis droitier. Non, parce que faut dire la droite, ou... c'est l'imagination, la créativité, tout ça. Alors, la réponse était oui, mais ça veut pas dire qu'il faut oublier la droite. Et moi, j'ai eu raison. Est-ce que j'ai un point? Pas du tout. Non. Allez, j'ai un petit point supplémentaire. Allez. Faites des pièges, monsieur, c'est pas sympa. Alors, la gauche, c'est la logique. La mathématique, par exemple, si je vous dis 12 x 10 moins 10, vous écrivez sur votre ardoise, ça fait... Combien? 110. 12 x 10 moins 10. 12 x 10 Merde, faut écrire sur l'ardoise, s'il vous plaît. 12 x 10 moins 10. Oui, tout mais à fait. Elle va tricher. C'était si on lève trop tôt. On a beaucoup de 110. En même temps, je crois qu'il est. 12 x 10, ça fait 100. C'était effectivement 110. Ah, elle est sortie très vite cette réponse. Et, bien, et ça, c'est quoi en rapport avec l'art plastique? Oui, ça, c'est la partie de gauche du cerveau. Ah, ok. D'accord. Mais là, aujourd'hui, nous allons mettre au travail la partie droite, puisque dans les travaux pratiques que je vais vous demander de réaliser et de me rendre avant le conseil de classe de ce soir. Hein, vous allez devoir reproduire le portrait de moi en vacances que voici. Vous étiez en vacances ou en prison? Est-ce qu'on doit le dessiner? Il l'a bien dans la gueule là. Et monsieur, vous avez été acteur? Pas pour le moment, d'accord. Monsieur, vous avez fait de la chirurgie? Non, vous étiez acteur de cinéma. Je vous ai vu dans Jeffrey Dahmer. Bon. Acteur porno. Je vous cache pas que je me trouve quand même très sexy sur cette photo. Franchement, cette petite moustache, monsieur. Je vous autorise à la partager sur la page de votre radio préférée, mais uniquement si vous y accolez votre dessin, d'accord? Ok. Ok. Bon. Ce portrait, vous allez devoir le reproduire à l'envers. À votre avis, pourquoi à l'envers? Je vous donne trois propositions possibles. Est-ce que parce que j'avais pris une cuite la veille? Est-ce que parce que à l'envers n'est qu'un endroit vu dans un miroir? Très poétique. Ou est-ce que... Dessiner un portrait à l'envers fait bugger le cerveau gauche et laisse le droit s'exprimer, à votre avis? Moi, je dirais un peu des 3, franchement. On a de la 3, on a de la B. On a de la C, on a de la 3. B, C, 3, 1. La B, la 3 et la 3. Alors, bon, il y en avait d'autres justes. Hein. C'est bien évidemment parce que ça va laisser le cerveau droit s'exprimer. Mais j'avoue que j'avais un peu abusé sur la tequila la veille, donc ça marche aussi. Hein. Monsieur, j'ai pas suivi. Y'a qui a eu bon du coup? Moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu bon, mais pas tous. Alors, quel type de dessin définiriez-vous mieux le mood? On va reparler de ma soirée quelque peu. Le mood de ma soirée, à votre avis? Je vous laisse le marquer. J'ai pas compris la question. Un dessin pour le mood de votre soirée? Oui, okay. Tout à fait. J'ai parlé que j'avais bu un petit peu de tequila. Il faut qu'on fasse on dessine votre soirée, quoi. Non, pas du tout. J'ai demandé quel type de dessin caractériserait le mieux ma soirée. Moi, je sais, monsieur. Bah, je vous demande de le marquer sur l'ardoise, d'accord? Il faut le marquer ou le dessiner? Bah, tequila, c'est un verre. Ah oui, d'accord. Vous avez marqué. C'est pas un style de dessin, la tequila. Mademoiselle Ida, vous n'avez pas d'idée. Et Luchil? Luchil, monsieur. Luchil, qu'est-ce vous que vous voyez rien, mais vous étiez posé. Alors, c'était pas très anglais non plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Une bassine pour vomir. Une bassine pour vomir. Là, j'ai une bouteille. Très bien, une bouteille. Vous n'avez rien compris à ma question. La réponse était éclatée. Comme un dessin technique à la vue éclatée qu'on utilise pour montrer toutes les parties d'une pièce ou d'un assemblage. Personne n'a bon. Généralement, quand on a la gueule dans une bassine, on est éclaté. Hein. Moi, je me suis bien quand éclaté. Quand on voit flou aussi, on est éclaté. Quand on boit aussi. Hein, Oui, enfin bon, bref, j'étais éclaté. bref, le fait de ne pas reconnaître quelque chose de connu et que le portrait soit à l'envers va faire en sorte que le cerveau Alzheimer. Va se concentrer, non ? Sur la reproduction d'un visage dans son entièreté. Bravo, monsieur. Dans son entièreté. Ah, que c'est mais joli. Non, mais pas. Va pas se concentrer dans son entièreté, pardon, j'y suis pas. Mais dans pas. La perception des courbes, des proportions des ondes. C'est normal. On est en cours d'art plastique. C'est normal. C'est un artiste. Je suis un petit peu perché. Monsieur, on est en troisième et vous avez mis un niveau vachement haut. Hein. Non, je ne trouve pas. Je pense que je fais ça des sixièmes. Parce que de toute façon, j'ai qu'un cours. Ah non, c'est encore beau. Alors d'ailleurs, quel outil je peux utiliser à votre avis pour mettre en lumière mes ombres? J'aime bien celle-là. Mettre en lumière mes ombres, vous avez compris, hein, c'est, hein. Adèle? Ah, c'est moi. Oui. Quel outil je peux utiliser pour mettre en lumière mes ombres? Outil de dessin? Un crayon de... papier. Oui, ça vous fait un point. C'est ce que j'ai... D'accord. Je vais demander à Rachel. Une gomme pour effacer le crayon de papier. Ça marche moyen. Bah non, est-ce que je peux redire sinon? Allez-y. C'est quoi la question? Vous me fatiguez. Bah par exemple, si on fait une main, il faut qu'il y ait la main. Ça peut être un outil. Non mais je vous demande quel outil vous avez en main justement. Une règle. Pourquoi pas? Ça fait zéro, ça. Non, monsieur, j'ai une réponse. Sarah, elle est où, Sarah? Sarah. Oui. On attend. Un outil, Sarah. C'est ce que j'ai. Un compas. Un compas pour faire des ondes. Monsieur, je veux pas dire, mais personne comprend votre cours. Donc s'il y a un truc, c'est que Sarah, vous ça ne marche pas. Moi, non, monsieur, surtout, Ida, j'avais plus le crayon de papier. Ida, allez-y, puisque vous êtes faite de la manine. Bah, moi, j'ai mis lumière ou crayon. Bon, j'accepte crayon. Quoi? Mais non, je l'avais dit. Crayon de papier, bah oui, c'est trop tard. Je vais demander à Cyril. On vous entend pas, Cyril? Cyril est malade. Allumez Cyril. Votre micro, Cyril. D'accord, moi je ne vous entends pas. Une feuille. Une craie de charbon. Oui, bah oui, pourquoi pas une craie de charbon. Il écrit avec des trucs bizarres, Cyril, quand même. Thomas. Un feutre. Un feutre, oui, pourquoi pas un feutre. Non, je vous ai plus demandé, je vous ai plus adresser la parole, Roberto. Un stylo à encre noire. Oui, c'est pas mal ça, c'était voilà, un point. C'était ma prochaine idée, merci. Voilà, ça va vous faire un point pour cela. On avait du fusain, du graphite, des stylos, des feutres, des plumes, du critérium, crayon de couleur, de l'aquarelle, finalement, il y avait ce qu'il fallait, hein. Comme on dit. Vous auriez accepté une feuille, monsieur? Non. En tout cas, peu importe l'outil, seule l'observation compte, tout bêtement. Si je prends par exemple une lampe et que j'éclaire une pomme par le haut vers la gauche, quelle va être la partie ombrée de mon dessin? Je vous laisse me l'écrire sur l'ardoise. Je prends une pomme. Lumière en haut à gauche, quelle va être la partie ombrée de mon dessin? Non. Non. J'ai envie de rôter. Non. Un droite, main droite, ok. On va attendre les derniers élèves. On a un pas à droite. Qu'est-ce que vous avez marqué? En dessous. Sarah, je vois pas d'ici. Elle a dessiné un bonhomme de cire. Qu'est-ce qu'elle a marqué? S'il vous plaît. Le bas de la pomme. En bas de la pomme, non, ça ne marche pas. Par contre, j'ai beaucoup de bas à droite, c'est bien. Là, il y avait droite, c'est pas tout à fait bien. Voilà, vous avez presque tous la bonne réponse. Hein. C'est bon pour tout le monde? Oui, okay. Bah, on essaie de suivre comme on peut. Hein. Voilà. Pour moi, art plastique, c'est dessiner des coquelicots, des papillons. Ah, des papillons. Oui, mais là, on va dessiner mon portrait, c'est encore mieux. Hein. Alors d'ailleurs, vous constaterez que sur mon portrait, les cernes sont marquées, mes joues tombent quelque peu. Vous êtes fatigué, monsieur. Alimenté un petit peu. Bourré. Trop de cours. L'entretien de cette moustache. Le dessous de mon menton est ombré, ainsi que ma pomme d'Adam. Et vous serez gré de faire ressortir ce côté... Je dirais espiègle et rusé de ma personnalité sur vos dessins, d'accord? Alors avant de vous laisser travailler, à votre avis, si je prends mon portrait et que je couche la feuille, est-ce que j'en fais un paysage? Vous me le marquez sur l'ardoise. On a du oui, on a du non. Bah non. Est-ce que j'ai l'air d'un arbre, franchement? Bah, monsieur, j'ai ça pas... Ça sera toujours un portrait. C'est le format paysage, hein. Non, ça sera juste pour qu'il sera couché. J'ai mis non. Oui, vous avez mis non. T'es oui. La seule à avoir mis non. Non, non, il y en avait des non, il y avait des oui, mais c'était ni oui ni non. Alors... de vos dessins, vous allez bûcher maintenant? Bûcher? Vous allez bûcher, oui, tout à fait. Je croyais que vous n'étiez pas un arbre. C'est bon. On va manger de la buse de Noël, bûcher. Juste une chose, soyez créatif. Et qualificatif, s'il vous plaît. On m'a lobotomisé mon cerveau droit. Ah pardon, et récréatif aussi. Ah. En parlant de récréation, vous pouvez y aller, c'est la récré, hein. Oui, allez, go. Ouais. Mais Alex, pourquoi tu te marres? Rien. C'est parce qu'en fait j'ai enfermé Jimmy dans les toilettes. Mais c'est vrai qu'il est vraiment trop bête, hein. Mais arrête de l'embêter un petit peu là, le proviseur il va te voir. Ouais mais non, t'inquiète pas. Et l'autre fois je lui ai dit t'es qui toi? Bah il me dit je suis Jimmy. Je lui dis Jimmy le doigt devant, Jimmy le doigt derrière, fais le tour de rond, fais le tour de moi-même et je te balance dans la poubelle. Pareil hier dans le couloir, attends. Hier dans le couloir, tu sais, je passe à côté de lui et je lui dis Jimmy lève et je te bouscule comme d'habitude. Ah oh, mais t'es vraiment méchant en vrai, hein, mais ça se fait pas, hein. Moi je vais l'honorer. en passant la reprise de Mariachi par les L.I.J. Tu connais? Ouais, L.I.J, ouais. C'est sur la radio du collège, écoute. Bien sûr. Oh, c'est de la bonne ça. Le mec qui dit à sa rhum, tu sais pourquoi faut s'habiller correct quand on va au bahut? Non, pourquoi? Pour avoir la classe. Allez, bienvenue sur Indestar, les friends. Nous, on est... Ah oui, nous, on est toujours bien habillés, hein, à la classe, hein. Je trouve que tu es en grise. Et Anaïs est en grise aussi. Non, je suis en vert. Grisons-nous. Non, elle est tout en c'est beauté. Du vert, ça, c'est du vert kaki. Ouais, c'est kaki tellement gris qu'on dirait que c'est du gris. Bah non, c'est du vert kaki. Oui, enfin bon. On dira ce qu'on voudra. Là-bas, on est un peu en rouge, un peu de beige, un peu de violet. Ah. Non, c'est un peu en merde. Là. C'est des couleurs hivernales, tout ça. On a le tronc d'arbre qui est Antoine, et on a les feuilles qui sont fanées avec Nico et Solène. Et ça peut pas. Tu te permets pas, c'est la couleur. Non, c'est ta couleur préférée de Bordeaux. Nous, on est vivants. Vous êtes vivants, ouais. Il y a Lisa, elle a mis du bleu et du violet. Ah ouais, elle est Peak Avenger, Lisa. Elle est clairement, elle est demain, elle est déjà demain. Pourquoi Peak Avenger? Parce que c'est la couleur de Pika, le violet. Le violet. Ah oui, oui. Ouais. Donc elle est entière en avance sur ton temps. Oui, j'adore violet. Et bleu, c'est la couleur des spéciales du vendredi. Donc t'es encore plus en avance sur ton temps, tu vois. Voilà, j'ai merdé. C'est horrible. Ouais. Personne en jaune ce soir. Non, si, en jaune beige. Les bananes. Ah, les bananes. Jaune vert. Ouais. Jaune vert. Ok. Pourquoi il y a des capotes à côté des bananes? Qu'est-ce que tu fais avec des capotes? Je vais pas les ramener toutes seules. Elle avait elle besoin même. De manger 5 bananes, 6, tu sais pas compter. Ah ouais, j'en ai vu que 5 tout à l'heure. C'est une main de banane. Bon, c'est la classe ce soir, c'est l'émission. Et donc on est au collège? Oui, au collège 3ème Q. Collège T'es pas venu et on est en 3ème Q. On est... Et c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on passe le brevet. Et est-ce qu'on peut dire... Oui. Est-ce que nos élèves sont vraiment prêts? Non. Est-ce qu'on est venu en Audi? T'es Audi venu en... Q3. Ah, tu vas trouver mieux. Dégage. Dégage. Sors. Tu prends la porte au passage. Oui. Non, on en a besoin de la porte, on en a besoin. Bon, on a fait le cours d'art plastique avec un mec un peu perché, hein, faut pas se le cacher. Là, on va en quoi? En cours de SVT? C'est en fait prévention sexuelle. D'accord, donc c'est une intervenante dans ça, la classe d'SVT. Ok. Ouais, et c'est pas genre en 5ème qu'on fait les préventions sexuelles parce que. C'est toute ta vie. On est un peu attardé dans ce collège. Ouais, mais t'as raison. On est toujours. On n'est jamais à l'abri d'une MST. Elle passe comme ça et puis pouf, la chope. Anaïs. J'adore la tête d'Anaïs. Elle dit pourquoi on parle de moi là? Toujours protéger les gens. Oui, toujours se protéger, c'est important. Bon allez, on court d'SVT alors. Regarde ma Game Boy. On se tait. C'est important ce que je vais vous dire. On reste concentré. Vous voulez pas avoir de MST, on reste concentré. Robert, tu es plus con que centré là. Hein. Oui, je sais, mais. Je suis au centre. Tu m'as volé ma blague. Le premier, parce que vu qu'on parle de sexologie, vous avez un peu les esprits un peu chauds et tout ça. On va parler sexe. Ouais, Alex, il adore. Non. Le premier qui parle mal ou qui rigole se prend une bifle de banane. De A. Moi j'aime bien les bananes parce que ma grand-mère souvent au goûter elle me donne des bananes. Moi aussi. Oui, mais toi t'as prendre à la face, ça m'étonnerait que tu vas kiffer. Tu connais la DADV? Moi j'ai un DVD par contre. Ah ouais, c'est alors, vrai. Comme vous le savez, je m'appelle Madame Chibre. Ah, mais. Un putain, point, il me dégomme les oreilles. Un point. Merci, bien. Merci. Merci, maître. Juste parce qu'on connaît pas son nom, ça va. Ouais, et au cours de vos études, normalement, vous avez en moyenne 3 cours de sexologie. Mais vous êtes un peu attardé apparemment. Comme d'hab, on en a que 3 cours parce que finalement, on fait du sexe toute sa vie. Oui, mais là, c'est 3 cours. D'accord. Voilà. Mais vous allez pas faire du sexe avec moi, hein, je vous rassure. Ah, dommage, madame. C'est dommage, madame. Je vous êtes vous en beauté, madame. Oui, c'est vrai. Alex, arrête de me piquer. Non, parce qu'on fait quand même plus de cours de. Enfin, on a plus quand même de sexe dans la vie que de chromosomes. Hein. Je croyais que tu baisais plus la prof que. Quoi? Non, mais. Oh ah. Ramène ta tête. Enlève ton poing. Aïe. Aïe, c'est pris un coup. Ça fait mal? Ça biffe. Donc, comme vous le savez, le sexe a plusieurs bien-être. Comme par exemple. Est-ce que ça serait pas des bienfaits, madame? Oui. Un point pour toi aussi. Merci, madame. Ça suit, j'aime ça. Il soulage les migraines, il lutte contre l'insomnie, attends, etc. Ça soulage les migraines? Oui. Donc quand ma copine a dit qu'elle a mal de tête. Mais par contre, faut pas y mettre la graine. Faut juste enlever la migraine. Oh, c'est une mi-saison. Et du coup, pour éviter que certaines personnes se reproduisent quand je vois la gueule de certains... Ah, de Thomas, ouais. C'est vrai que Thomas... Il n'a pas été gagné par la nature. Pour le bien de l'humanité, arrêtez de vous reproduire. Oh. Et du coup, sur l'ardoise, je vais vous demander Personne qui ne doit pas se reproduire ? Non, trois moyens de contraception sur l'ardoise. Il m'en faut trois. Moyen de contraception pour pas avoir de bébé ? Non, pour pas avoir d'animaux. C'est la même chose, non ? Je sais pas trop. Ah, on a du mal, hein, dis donc. Ça y est, madame, j'ai trouvé madame. Parce que ma grand-mère, elle s'était fait poser un stérilet quand elle était jeune. Et... En quoi, en acier ? En fonte. En fonte. En plomb. Sa grand-mère qui était en fonte. Et il a créé capote, mais c'est pas vraiment une capote en fait, hein, parce que la capote, c'est les... mon père, il est décapotable et ça n'a rien à voir. Là, c'est plutôt mais un préservatif. Celui-là. Nous avons plus que Ida à attendre la réponse. Ida, elle en a marqué 32. J'en demandais que 3. Alors nous avons ce qui ressort le plus, un préservatif. Pilule homme. On en reparlera pas. Il y a de la pommade anti-spermatozoïde. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui tue les spermatozoïdes. Mais... Spermicide. Ah oui, c'est comme pour l'engrais. Enfin, oui, oui, c'est ça. Sauf que ça pousse moins. Ça pousse plus, du coup. Juste les poils. Alors, ouais. Du coup, vous avez tous bon, hein, un plan. Alors, un plan avec un X à la fin, c'est pas mal. Non, c'est un T. Ah merde. C'est un T. Un plan à 3. Juste un implant à mettre dans le bras. Pouf, il vous a défoncé. Quoi ? Donne-lui une bifle. Ça se met pas dans le bras ? Oui ! Non, vas-y. Aïe ! Aïe ! Hein, bah, pas sur le casque, sur la tête, tu recommences. Ok. Aïe ! Alors, 3 points pour tout le monde. Ok. Parce que pour une fois, vous écoutez points, assez bien. Hein. Quand ça parle de sexe, hein, y a tout le monde. Après, c'est au cas où tout ne se passe pas comme prévu, le lendemain. Vous pouvez aller à la pharmacie pour aller acheter la pilule du lendemain. Bravo. Enfin, c'est pas la pilule de la veille. Hein. Et genre, si c'est le surlendemain, madame, est-ce que c'est la pilule du surlendemain? Non. Non, ça ne marche pas. T'as un bébé maintenant. T'as un bébé du lendemain. C'est dommage. Comme vous avez vu, atelier banane. Ouais. Vous allez vous mettre par groupe de 2. Parce que j'ai pas assez de banane. Bah, toi, tout on a une banane pour 2. J'ai déjà une banane. Tiens, hop, Roberto, je crois que c'est ça ton prénom. Il est trop fier de sa blague, alors c'est nul. Franchement. C'est dans ma blague. Hop, tenez. Je suis en groupe tout seul, madame. Rachel. J'ai même plus de banane. Par contre, Rachel, va falloir m'expliquer pourquoi vous avez autant de préservatifs dans votre... Madame, il y a Alex qui mange la banane. Non, oh non. Il mange ma banane en plus. Il m'a piqué ma banane. Moins 18. Oh, banane. Il y a un bout là. Oui. Je pensais que c'était le goûter, madame. Hein. Madame, c'est une snipeuse. Vous en donne un, mais vous y touchez pas. D'accord, faut avaler, madame. Ah, j'ai un bout de banane sur le micro. Elle est molle, la banane. On se met à deux. Ça me dégoûte, regarde. Ah. On se met à deux. Oui, mais... Elle va vomir. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Tu te sens pas bien? Vous, toute seule? Avale, Rachel, avale. Vous avez l'air d'avoir... Ah, la blesse. La madame, elle se marre beaucoup la première fois. Il y a un bout de banane sur le micro. Ça me dégoûte. C'est compliqué, hein. Alors, chacun une capote. Capote là. Oh, merci, madame. Oh, ouais. Capote là. Je peux l'utiliser, madame. Et les gars, on fait pas de ballon avec. Oh, c'est dommage, je sais faire des girafes avec. Vous avez tous... C'est vrai, tu sais faire des girafes. Ouais, sans problème. Tous bananes. Maintenant, on enlève le... Vous vérifiez bien que les capotes, parce que préservatif, il y a une date dessus. Vous vérifiez bien qu'elle est bonne. Alors... C'est marqué... 03-2023. 2012. Quality. Ça m'étonnerait. Ouais, 03-2023. Parfait. Ça va. Regarde s'il y a les CE. Et là, vous vous enfilez calmement, vous pincez le petit Comité bout de la capote. Alors. Là, le petit bout, on le pince. Alors. Attendez, j'ai pas de capote pour vous. Est-ce qu'il faut l'ouvrir, madame, le sachet? Bah non, on le laisse entier. Ah, d'accord. On pince le petit bout de la capote. Il y en a, ils sont pas dégourdis, madame. Hein. Alors, madame. Ah non, bah. On et on l'enfile sur cette date-là. Voilà. Ah, on c'est gluant un petit peu, madame. Hein. C'est normal. J'ai plus de banane, madame. Tout en. Oh. Vous m'avez piqué ma banane. Fais-le avec moi, t'auras un point direct. Ouais. Je sais pas. Hop, on appuie sur le petit bout bon, et on fini. Fait dérouler. Les gars, on ne bande pas, s'il vous plaît. J'aime bien tenir votre banane, madame. Allez. Là, on fait. Je tiens le bout, madame. Tiens le bon bout. Voilà. Est-ce que c'est bon? Montrez-moi ça. La banane est quand même vachement bonne. Est-ce que ça mâchouille un peu comme un chewing-gum? Vous, on est d'accord, elle est pas entièrement déroulée. Hein, mais faut la dérouler entièrement? Bah oui. Non, je trouve qu'il y a un peu de marge quand même. Je mets la taille de la banane. Hein, Est-ce que ça va? Montrez-moi vous tous. Madame, si je peux me permettre, si la banane c'est censé représenter un pénis, est-ce que le monsieur il aurait pas un souci? Ça c'est quand on commence à vieillir. D'accord, madame. Vous faites de la ASMR, madame. J'enlève le bout de banane sur mon micro, ça me gêne un peu. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, on dépose la banane. Et après. Est-ce qu'on a paniqué une banane finalement? Moi je la mange. Dans le sens figuré, madame. Hein. Moi je la mange. Ah. Il faut enlever le préservatif. Ah bon? Il est bête. On peut faire un nœud au bout. Voilà. Allez, on enlève et on fait un nœud au bout. Est-ce qu'on peut l'utiliser tel un tupperware, madame? Imagine, on fait un pique-nique. Aussi. Oh, de la pâte tupperware. Ma grand-mère faisait ça dans des. On peut faire ça dans une capote. Bah, bien sûr. Bah oui. On secoue et hop, ça fait de la pâte tupperware. Allez, on me redonne les bananes, sinon ça va partir dans. Madame, il y a Thomas qui mange la capote. On me redonne les bananes, sinon ça va partir dans tous les sens. Recrache, Thomas. Allez, recrache. C'est un ballon. C'est sinon, pas très intelligent. Sinon, on va te foutre une banane dans le cul, toi, tu vas sentir. Ramène le ballon. Elle doit glisser. Ramène. Casse-le. Ah non. Ça c'est fait du, même pas. C'est du grand n'importe quoi. Merci. Voilà. Et après. Et ça se réutilise pas deux fois. On ne la lave pas et on ne la remet pas. Non, voilà, tu la retournes. Et madame, le plan énergétique. On s'en fout. Sobriété énergétique. Parce que madame. Le pire, c'est si vous faites des gosses. Ah, c'est vrai que c'est pas très énergétique. Voilà. Ça fait des jumeaux, madame. Madame, il y a des capotes, lui. Il y a des capotes d'une certaine grande marque. Fluorescente. Je peux citer la marque? Durex? Non. Non. L'autre? Manix? C'est l'autre? Louis Vuitton. Ils ont fait des capotes qui se lavent 50 fois. Ah bah voilà, madame, ça, moi c'est sur recyclage. Ça coûte 50 euros. Je continue de manger ma banane. Hein. Vous auriez pu m'en donner un bout. Bah oui, c'est. Ensuite, le préservatif sert aussi à éviter les MST. Bravo. IST. Et on... Bravo. Qui a dit ça? Voilà, un point pour le petit gros là-bas et un point pour Rachel. J'aimerais que sur l'ardoise, vous marquiez à peu près deux types de MST. Pas de IST, de MST. Voilà. C'est maladie sexuellement transmissible. Oui. C'est le nom de malade. Genre. Voilà. Genre, on marque sur l'ardoise. Sexuellement transmissible. On ne regarde pas sur le camarade des autres. Les camarades des autres, ça ne veut rien dire. Sur les autres non, camarades. Non, on écrit. Je sais pas. C'est pas. Je pense pas que ça soit une MST. Ah ouais. Alors, on en est où? Attends, comment ça s'écrit? Ça c'est bon pour vous, Ida. Je sais pas. Un point. Roberto, c'est bon. Non, mais on a dit deux, hein. Rachel, c'est bon. Ah, c'est bon alors, mais je l'avais le sida. Un point pour Ida. Non, si je l'avais trop. Non, tu l'as rajouté après. Mais si je l'avais trop. Madame, il l'a rajouté après, sida. Je l'avais trop. Copiteur. Copiteur. Zéro. Oh non, mais. Alors, un point. Un point. Je sais plus comment ça s'écrit. Un point. Et puis zéro. Pourquoi elle a marqué une Yves? Une Yves. Non, elle a marqué Yves. Oui, peut-être parce que. Syndrome d'immunodéficience. Oui, mais c'est virus. Moi, j'ai marqué la syphilis. Toi, t'as marqué l'herpès et elle a marqué le sida. Bah, c'est média. Ouais. Ah, c'est bon. Allez, à vos ardoises, un petit vrai ou faux. Encore. Je suis chaud. Ah, bah, faut le dire, madame. Hein. Alors, moi, je suis là. Hein. En plus, on a ce qu'il faut. On a dit, on n'utilise pas les préservatifs. On n'a pas encore utilisé, remarquez. Elle n'a pas dit non, Alex. Je vous donne une phrase, à vous de me dire vrai ou faux. Okay, faux. Vous marquez juste V et F sur l'ardoise parce que vous êtes un peu lent dans cette phrase. VF, vous marquez les deux? V ou F. Ah, ok. Ou. D'accord. Oh, non, mais faut le dire aussi. L'âge de la majorité sexuelle en France est de 16 ans. Vrai ou faux? Arrêtez de bouffer des bananes, putain, c'est quoi ce cours? Faut qu'on montre ou pas? C'est faux. Tout le monde a eu bon? C'est faux. C'est faux. Bah oui. C'est 15, non? C'est 15. 15 et demi. 15 et demi, ouais, je crois. Non, 15. Bah oui, 15. Oui, 15 bah, et demi. Non, c'est 15 et demi, c'est pas 15. C'est pas 15 un mois. C'est pas. Est-ce qu'on peut dépasser la date de péremption d'un préservatif de 2 semaines? Vrai ou faux? C'est comme les gâteaux, hein. On va dire juste oui, un enfant hein. Un peu teubé. Bah dis donc, t'as les deux garçons à côté de moi, c'est... Bah non, on n'utilise pas un préservatif périmé. Oh, sobriété énergétique, madame. Après, vous pouvez essayer, hein. Ça se trouve, ils sont papa, ils savent même pas. C'est ça, bravo les gars. C'est vrai. Je pense, Roberto, il sait. Mais non, je sais pas. Attention. Faut pas le dire. Chaque jour, plus d'un million de personnes contractent des IST dans le monde. Infection sexuellement transmissible. Oh oui, largement, hein, vrai, je pense. Vrai ou faux? On parle dans son ardoise. Ou à son ardoise, comme tu veux. Je pense que c'est vrai, madame. Et bah, tout le monde a un point. Ouais. Et ensuite, ça c'était pour mon petit plaisir personnel. Ouais. Il y a 64 positions sexuelles dans le Kama Sutra. Vrai ou faux? Je pense que c'est plus, madame. Ça a bavé. Il y a autant de positions sexuelles que de personnes sur Terre, madame. Eh ben, on a juste le petit gros là-bas qui a raison, Thomas. Quoi? Je crois qu'il y en a 65. Non, quel pervers. Mais non, t'as dit 64. Vraiment. Et lui répond. Toi, tu sais lire un livre? Il répond l'inverse de ce qu'il dit. Il y a 64 positions dans le Kama Sutra. Il devrait même pas avoir bon parce qu'il a dit l'inverse. Hein. Oui, mais j'ai demandé vrai ou faux. Ouais, voilà. Ah, pour moi, il y en avait plus parce que... Oui, pour vous moi connaissez aussi. La position de la limace? Non. Du lotus. Ah oui, 69, le lotus, oui. La lotus, ça y est. Il y a l'écureuil. De la girafe, du flamant rose. La brouette renversée. Qui c'est qui m'a touché mon papier, là? C'est vous, Rachel? Moins un point. Moi, j'ai pas touché avec votre papier, madame. Vous êtes, oh, vous hey, êtes à rien, côté de moi. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Tu m'enlèves pas. Hein. Et ensuite, juste un point bonus pour celui-là qui me dessinera le meilleur sexe féminin. Vous avez 10 secondes. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, le sexe féminin, je parle. 4, 3. C'est quoi ton truc? Voilà. 1. Ah, mais quoi, en vrai, ça va? Et pourquoi vous me dessinez des clitoris? Je vous ai demandé un sexe féminin. Moi, j'ai dessiné tout le sexe avec une flèche pour dire que c'est ici. Eh bah, le vagin, ça fait partie du truc féminin, non? Je dirais que là, l'arabe, là, un peu là-bas, là. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est ça. Il s'appelle Cyril. Ah. Cyril, il a dessiné un anus, lui. Allez, un point pour Cyril. Il a dessiné un cul, madame. C'est une madeleine. Il a dessiné, comment ça s'appelle, tu sais, parce les trucs avec la confiture, là. Ah, c'est l'heure. On s'en va. Allez, je veux plus vous voir. Madame, je peux vous inviter chez moi pour un coup particulier. Petit extra, madame. Non, ça va aller. Non. Chacun son tour. Si vous voulez, je peux vous laisser une petite capote. Oh, t'as acheté une capote? La chance. Allez, on sort, dépêchez-vous là! Allez, on active! Mais quelle classe lente, je dirais à monsieur Boulard! C'est pas possible, ça avance pas! On n'avait pas envie de quitter votre camp, madame. Bon, Thomas, le prof est venu me voir, il avait plein de glu dans les cheveux. C'est quoi cette embrouille là? Bah, en fait, si vous voulez, j'ai pas fait exprès. C'est qu'avec Siri, on a fait un pour combien tu mets de la glu dans le pot de gel du prof. Donc bah j'ai perdu, donc j'ai dû mettre de la glu. Non mais c'est quoi cette histoire là, Toba? Vous connaissez pas le pour combien? Non, je connais pas pour le pour combien. Mais ça m'explique pas pourquoi vous avez mis de la glu dans les cheveux du prof. Bah, le pour combien, c'est on doit faire un pari. Puis on doit compter jusqu'à 3, ils sont du même nombre. Bah on doit le faire. Bon Thomas, ça suffit, vous êtes collé hein. Oh non, c'est pas fait exprès. Ça vous apprendra à jouer avec de la glu. Dans la colle, Otem envoie son ballon préservatif sur clavier. Oh. Nous avons un ballon préservatif qui se balade, un ballon sauvage. Bon, c'est la classe ce soir. Et là, ce qu'on vient d'écouter, c'était un bootleg avec Avril Lavigne et puis quelqu'un d'autre. Mais c'était un remix de Surcore. Bite Me. Et puis quelqu'un d'autre. De son dernier album d'Avril Lavigne qui est sorti l'année dernière et que ça fait partie de mon top 10 heures. Oui, bah en même temps, oui. Ouais, parce que tu sais, Deezer, à la fin de l'année, il t'envoie un résumé. Ah oui, j'ai appris ça. T'as eu ça aussi? Non, j'ai pas eu ça, j'ai appris ça, parce que j'ai pas Deezer. D'accord, et bah moi j'ai Deezer. Moi j'ai 11. Et il est en avance aussi. Et donc, ils m'ont dit que la première, la deuxième et la troisième chanson que j'ai plus écoutée cette année était extraite du dernier album d'Avril Lavigne. Ouais. Et bah nous, si vous voulez nous écouter encore plus... Ouais. On fait comment? On écoute les... Bah on peut aller sur Deezer podcast. Aussi. Podcast hein. Podcast. Et sur Deezer, ça marche. Je trouvais plus le prénom podcast. Mais Spotify, ça marche aussi. Sur Podcast Addict, ça marche aussi. Sur et Google, ce soir, podcast, on est sur Twitch. Et là, on si est en direct sur voir. Twitch. Mais non, alors vous voyez pas grand-chose. Vous voyez le logo c'est de la tout noir pour le moment. Que déjà, bah, c'est tout noir. Ça commence à faire... Ah, on nous voit pas? Pourquoi bah, on nous voit pas bah, c'est normal, on veut pas voir ta gueule. On va au collège, donc on va pas infiltrer non plus le collège pour voir la. Tu vois, y c'est pour l'imaginaire du spectateur. Ah oui, aussi. Toi, tu t'imagines dans le collège, tu t'imagines en 3 Après, ils sont déçus quand ils nous voient en oui. vrai. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas qu'ils nous voient. Alors, de temps en temps, je vous cache pas que ce soir, le Twitch bug et de temps en temps, on nous voit. Mais hop ne vous mettez pas à poil. Petites apparitions, exactement. Coucou, pas là. Coucou, pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? C'est pas le moment de se décrotter les narines. Exactement. Bon, on a fait le cours de descente. tout à l'heure. Enfin, d'art plastique, pardon. Le cours de sexologie. On a fait la prévention sur la sexologie. Et là, on part en cours de français. Ah ouais, il y a bien un cours de français donc ce soir. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour madame. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes belle, dame. Pousse-toi, Roberto, je vais derrière. Non, mais pique pas ma place. Ok. On se calme, s'il vous plaît. Je me présente, je suis madame Descartes. Oh, bah, je suis votre aussi. Professeur de français. Vous êtes l'as de trèfle qui pique mon cœur. Madame, c'est pas un philosophe, Descartes? Non, c'est les cartes de poker. Mais non, c'est pas une ville, Descartes. Pokémon. Non, des trois. Ah, pour tous les Descartois qui nous écoutent. Dans ouais. 36. S'il vous plaît, j'aimerais bien commencer mon cours là. 36. Alors, je vais vous poser différentes questions. Donc, je vais préciser à fur et à mesure des questions s'il faut écrire ou non sur l'ardoise. Est-ce qu'il faudra conjuguer, madame? Ouais. Ouais. Ah. Je kiffe conjuguer. Mais tout d'abord, nous avons de l'orthographe. C'est moi l'orthographe. Je veux que vous m'écriviez. Je suis dans la merde. M'écriviez, madame. M'écriviez, madame. Vous êtes mauvaise, madame. Je veux que vous m'écriviez sur votre ardoise le mot coquette. Oh putain. Pardon. Oh, j'avais. Vous savez, là, les monsieur, madame, là. Je crois que j'avais. C'est madame coquette. Madame coquette. Alors, moi, j'ai écrit coquette. C-O-C-Q-U-E-T. Alors, Alex, tu as mauvais. Moi, j'ai. Moi, j'ai pas de C entre le O et le Q. Oh, bah, c'était trop facile alors. C'était C-O-Q. Ah, il est nul, Alex. Mais en fait, Alex, t'avais juste à écrire croquette en enlevant le R. C'est pareil. C'est pareil. D'accord. Donc, vous avez tous bon excepté Alex. Oh, c'est nul, madame. Je pensais qu'il y avait un piège, madame. Ben non. Deuxième question, le mot saut, genre t'es pas intelligent. Oh, que tu es sotte. Ah. Exactement, sauf que là c'est masculin. Oui, mais elle a donné un bon indice du coup. Bah, oui. Madame, vous êtes stupide. Oh, pardon. J'ai pas de points. Madame, j'ai mis un accent. Oui, madame, je vous aime bien. Il est où la banane de madame Chibre? Je pouvais pas le savoir. Est-ce qu'il y a un accent circonflexe, madame? Alex, tu es un mauvais. Il a écrit son S-A-U-T en S-O-A. On a dit que c'était pas le saut. Les deux garçons, là, mauvais. Bon pour la madame. Elle a écrit quoi, madame? Quoi? Elle a écrit quoi? Elle a écrit saut. S-O-T. S-O-T. Bah, c'est juste que j'ai mis un accent circonflexe. Et bah, c'est faux. Alex, tu n'as pas le point, ainsi que Thomas et toi. Ouais, ça m'étonne même pas de moi. Quel est votre prénom déjà, monsieur? Cyril. Jeune homme. C'est Cyril. Cyril n'a pas de point non plus. Alors, question bonus, attention à l'oral. À l'oral. Donnez-moi le féminin du mot enchanteur. Enchantresse. Eh, moi, je suis pas un mouton, je dis pas comme vous. Roberto. Eh mais moi aussi j'ai dit enchanteresse. Tu l'as dit en même temps. Moi aussi j'ai dit. Ah, oui. Madame, ils m'ont cassé les oreilles. Ouais, moi aussi. Sur votre ardoise, lequel n'est pas un adjectif? Épithète, madame. Adjectif. Qualificatif. Est-ce doux? Est-ce rousse? Ou est-ce voir? C'est quoi l'adjectif? Je pense que c'est voir. Je vois, c'est voir. Ouais. Il y en a aucun qui te qualifie. Elle est pas rousse, madame. Roberto? Oui. Mais quoi, tu vois pas? Moi j'ai mis voir. C'est bien ça. On a c'est voir, tout le monde voir. A bon. Ouais. Tout le monde a un point. Oh maîtresse, t'as pas écouté ma blague? S'il te plaît, ton vocabulaire, jeune fille. C'est pas une maîtresse, c'est une professeure. Ouais, d'abord on dit madame la professeure. On dit madame la professeure. Ou madame Descartes. Ouais, trop belle. Change de lunettes, on t'a dit. Alors, sur votre ardoise, toujours et encore. On a compris. Le verbe finir. Fait-il partie du premier, du deuxième ou du troisième groupe? Oh, je sais! Ah, c'est écrit. Du premier, du deuxième ou du troisième groupe? C'est facile, dame. Hein. Je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas le premier, parce que les premiers, c'est ER, les deuxièmes, c'est IR, Sarah, les troisièmes, c'est la poubelle. C'est mauvais. Cyril ainsi que Thomas, c'est bon. On a mis finir. Deuxième, on a mis deuxième groupe. Madame, j'ai mis deuxième groupe, moi. Et moi? Ça fait partie du deuxième groupe. Pourquoi il a mis trois, lui? Bah, je sais pas, pourquoi Roberto, j'ai mis trois. Moi, j'ai mis deux. Ça fait partie du deuxième groupe. Ouais. Ok. Alex et moi, tout le monde a bon, sauf vous. Sauf ce compteur, madame. Merci, madame. Merci, Alex. C'est gentil, hein. Ils ont faux, ce compteur. Alors, toujours sur l'ardoise. Non, on nous fait chier, ils sont toujours sur l'ardoise. jeune fille. Mais madame, conseil vous de discipline. Vous faites pas un cours. Conseil de discipline. Okay. Allez, une fille. Non, pas pour Alex, pour toi. J'ai pris une banane. Non, pour toi. Tu vas qui a écrit Les Misérables? Est-ce que c'est Victor Hugo? Est-ce que c'est Molière? Ou est-ce que c'est Stendhal? Stendhal. Oui. Ouais, on le prononce à la française. Merci. Stendhal. Stendhal. Stendhal Massy, hein, pardon. Je pense que c'est ma rue, parce que j'habite rue Victor Hugo. Moi aussi, j'habite rue Victor. Oh non, on a mis Molière. Alors, Cyril. Jean-Baptiste Pouquelin. Cyril Pouquelin. Et Sarah, zéro. Zéro, zéro. Moins 10, je dirais, même d'avance. Ah ouais, la honte. C'est Hugo. C'est VH, hein, c'est Victor Hugo. Exactement, c'est le premier mec que Rachel, elle s'est tapé. C'est le premier mec que Rachel, elle s'est tapé. Il s'appelait Hugo. Ah, il s'appelait pas Victor Hugo. Je me disais, ça fait longtemps. De quoi? Si c'était Victor Hugo. Et ouais. Apparemment, c'était Misérable. Il y a plus de 500 euros. Ah, je suis pas... Non, je suis pas de toi. Dame, vous avez l'air embêté pour Rachel, mais faut pas, hein, vous savez, elle est pas. Là. Elle est pas à son premier coup. Eh, s'il vous plaît, du calme. Aïe, yade. Ah mon dieu. Avec trois propositions de réponse. Oui, bah oui. Une proposition, ça suffit déjà. On a fait craquer la prof. Avec trois propositions de réponse, voici ma question. Je sais pas si c'était français là. Si, c'était français. Conjuguer le verbe aller à l'imparfait à la première personne du singulier. Et au présent du pluriel du singulier de l'adjectif qu'elle est. Est-ce que c'est j'allais? Est-ce que c'est il est allé? Ou est-ce que je vais? J'allame. À la première personne de l'imparfait? Du singulier. À l'imparfait. Ouais, c'est le A. A pour Alex, t'as mis? A pour Alex, parce que A avec Alex. Ils ont mis des B là-bas. Alors c'est mauvais pour Adèle. Mais non, regarde ce que j'ai écrit. Je vais. Oh, elle va faire caca. C'est mauvais pour Cyril. C'était j'allais. Ouais. Ouais. Ouais. Un beau point. L'imparfait c'est AIS, AIS, AIT. AIENT. Et le reste vous comprenez. Alex. Alex. Oui. Je peux aller faire caca, j'ai un sac à crottes. Oh. Adèle. Ça elle suffit est... maintenant. Elle est pas très rigoureuse, hein, si je on va voir le principal à la fin de l'heure, sinon. Moi, je trouve qu'elle est pas très sérieuse, Adèle. Question bonus. Oui. Oui, madame. À tour de rôle. Oui. Je veux que vous me... Je vais vous demander de me faire une phrase en utilisant une figure de style. Ah ouais, une sorte la de... comparaison. Ah oui. C'est quoi une figure de style? Bah, c'est une figure de style. C'est une phrase de style. Ouais, t'as vu. Oui. Et je veux... C'est une sorte de clash. Et je veux la figure de style, une comparaison. Je suis plus grande qu'Alex. C'est pas vrai, hein. Parce que moi, l'autre fois, quand je suis montée sur la marche, j'étais plus grande que toi. Et hop, bon. Moi aussi, ça marche. Ah. C'est bon, madame. Refais-la, moi, Alex. Bah, j'ai dit l'autre fois, quand j'étais sur la marche, j'étais plus grand que toi. Il a copité. Bah, ouais, je sais, j'ai repris. Je... T'es malin, toi. Ouais, hein. Je sais, là. Je suis Roberto. Plus... Pardon. La oui. Figure de style là, vas-y, une on voit. Une figure de style. Une phrase, une comparaison. Oui. Franchement, madame, je crois que j'écris beaucoup mieux qu'Alex. Non, c'est pas vrai. On va éviter d'utiliser toujours la même chose. Ouais, parce que c'est y a d'autres c'est toujours mots. Moi. Qu'on on peut pas clasher Alex. Non, on peut pas me clasher. Oh, mince. On me propose autre chose. À moi. Peux-tu, hein. Quel mot que vous voulez pas que j'utilise? Que. Que. Oh bah. Il y a d'autres mots. Merci. Il y a comme. Je suis belle putes. Comme toi. C'est vrai? Moi j'ai une phrase. S'il te plaît, Ida, t'as donné ta réponse. Laisse-moi parler. Elle a dit que j'étais belle comme elle. Madame, j'essaye de les aider parce qu'ils sont oui, nuls. Oui, mais chacun sa merde. Pas doués, hein. J'ai une phrase. Je suis beau comme un camion. C'est bon. Ça aurait dit comme un cul. Bah oui, on a trois culs. Adèle. Je rote mieux que Albert Rototo. J'ai dit, on évite les queues. Tu les as bien évités jusqu'à maintenant. Bizarre qu'elle me dit comme ça. Avec hein. Le mot que. Je rate mieux avec sans crototo. C'est pas une comparaison. Ça marche. Zéro point pour allez. Adèle. Sarah. Mais c'est la triche, ils ont le temps de réfléchir. Ouais, ou pas, hein, parce qu'apparemment ils réfléchissent pas vite non plus. Hein. Non, mais même quand tu passes en premier, c'est mieux. Voilà, Sarah, t'as une idée? Merci. Merci, Ida. Pour l'instant, non. Zéro. Cyril. J'ai pas son tour. Hein? J'ai pas son tour. Il sait pas non plus. Zéro. C'est pas doué, hein, la barre. Moi, Thomas, je suis au fond de la classe. Je vais tenter quelque chose. Je suis gros par rapport à Adèle. Par rapport, ça veut rien dire. Zéro passe. Ah non. Vous aurez pu utiliser bah, le mot comme, le mot ainsi que, pareil à, semblable à, ressembler, ouais. Avoir l'air, ah oui. Ah oui, j'ai dit. Etc. C'est non. Exactement. Ouais, mais oh, je suis pas sûr, je suis pas sûr, ça passe. Non. Non. Arrêtez d'éviter les queues. Qu'est-ce qu'un antonyme? C'est comme un antonyme. C'est un antonyme. Sur l'ardoise. C'est un antonyme et. Sur l'ardoise. C'est un. Oh, je sais. Je sais plus. C'est pas comme un entonnoir, madame. Sur l'ardoise. Non, c'est comme un. J'ai comme un synonyme, mais d'Anthony. Un antonyme. Sur l'ardoise. J'ai écrit que c'était comme un entonnoir, madame. Mais sur l'ardoise. Ah, Alex, t'as à propos ta réponse? Un Antoine qu'on connaît pas, c'est trop bien. Imagine, il y a quelqu'un, il s'appelle Antoine, et c'est un Antoine qu'on connaît pas, c'est un antonyme comme un anonyme. Alex, zéro, Adèle, zéro, Ida, c'est bon. Roberto? Elle a dit quoi? Elle a dit coquette. Ça s'écrit pas. Roberto, zéro. Au contraire. Thomas? Elle a écrit contraire. C'est le contraire. Une auto qui va à... Anime, non? Oui, c'est bon. Et s'il vous plaît, ah, ça vaut un point de s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça vaut un point. Cyril, zéro. Sarah, zéro. Bah, c'était tout simplement le contraire. Oui. Mais Ida l'avait écrit. Bah, Ida l'a marqué. Hein. Je lui ai donné son point. Ouais. Ah bon, est-ce que je peux avoir un point pour ma blague ou pas? Non. Quand même, hein. Dernier. À tour de rôle, je veux un synonyme du mot heureux. Bah, attention, on évite d'utiliser les mêmes mots. Sarah. Peut-être que t'auras peut-être un point en plus. Content. Oh, j'allais le dire. C'est bon. Joyeux. C'est bon. Connard. Bonheur. C'est bon. Bonheur. Bienheureuse. Ouais. Je réfléchis, bah, c'est Aïda. Non, on... bah, c'est bon, elle a répondu. Elle a dit quoi? Bienheureuse. Attends, heureux, bienheureuse. Bah, moi, bienheureuse. Extrêmement heureux. Bienheureuse. Extrêmement bienheureux, ouais, voilà, t'as vu. Propose. Attends, paisible, non, non, je sais plus. Zéro. Gay. Oui. Ah bah, putain, mais si on me dit tout aussi, hein. Contente. Déjà dit, extrêmement gay. Bien gay. Ah non. Joyeuse. Non, on a dit. Oui, déjà dit. C'est dur, hein, maintenant, de trouver. Hein. Je sais plus. Hein. Merveilleusement bien. Zéro, Adèle. Chef. Bon. Tant pis. Hein. Mais on peut en avoir d'autres, c'est au cas où. Franchement, il y en a certains que vous m'avez un petit peu déçu. Ah, je vous laisse partir. Au revoir, madame. Madame, je peux rester? Non, dégage. On va tant pis. On va à la cantine. Ouais, allez, on va à la cantine. Apparemment, il a dit quoi, le proviseur et Macédoine? Il y a Macédoine. Ah, ah, c'est dégueulasse. Ah putain, les cours, c'était long. Ouais, le français, franchement, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas eu beaucoup de points en plus. Ah, moi ça va, mais c'est l'autre, l'art plastique, il était chelou, le mec. Ouais, j'aime pas sa moustache. Ouais. Ouais, il devrait se la raser, hein, parce que franchement, on dirait un balai à chiottes. Ouais. Puis t'as vu, ça va être long, faut qu'on le dessine aussi, là. Oh, puis bon, c'est long aussi, là, on après. Attend depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que la file d'attente, elle est vachement longue. Ah, j'ai faim, moi. Troisième on wait, là. Troisième A. Ah, j'en ai marre de wait. C'est toujours pas à nous. Troisième Q, ouais. Wait. Quoi? Attends, tu dis DJ quoi? Tu connais DJ quoi? Quoi? Oui, wait. Ouais. De quoi? De DJ quoi? Vas-y, je comprends rien de ton truc. DJ là, quoi moi. De wait? Mais moi j'ai faim, vas-y, lâche-moi. Wait, de DJ quoi? Ah, mais c'est pas une... Si, c'est une musique. Ah, ouais. Ça passe sur Indestar de temps en temps. Troisième B! Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Casse les oreilles. Eh hey, gros, c'est trop la classe ton pull. Il est à toi? Mais non, il est à rayures. Allez, tous en cours. Oui, tous en cours sur Indestar. Je suis trop un bolos, moi. Pourquoi tu me regardes comme ça, man? Non, parce que en fait, vu que j'ai fait qu'une émission ici, tu vois, genre je découvre quelques jingles. Tu vois. Ouais, le pull il est pas à toi, il a rayure. J'ai cru que t'allais dire à Caro, tu c'est vois. Comme ça marche aussi à Caro. Exactement, c'est comme à Caro. Ouais, c'est voilà. La blague de BTS, ça me rappelle l'époque. Ouais, mais ça, c'est votre époque lointaine. Moi, c'est une blague que j'ai découvert. On était particulièrement en avance en BTS pour ce genre de vanne. Ah, bah, je crois qu'à n'importe quel. Oui, ça marche tout le temps. Ça, c'est ça. Ok, on s'en bat. Vous l'avez compris, je sais pas pourquoi à chaque fois on dit c'est une des stars et la classe. Tout le monde le sait, quoi. Genre, on arrive. Mm. Non, mais ils arrivent peut-être à l'instant T. On devrait nous dérouler un tapis rouge tellement on a la classe. Ouais, ouais. Moi, je dis aussi. Mais il y en a, par contre, ils en ont pas. Non, mais c'est le groupe du fond, là, côté du radiateur, là. Et moi, j'ai visé. Ils sont plutôt mets. Passifs. D'accord. Allez, on fait un petit polo, polo, popo, là. Un quoi? Un petit polo, polo, popo, popo. C'est venu chanter. Polo, popo, popo. Ils sont vachement aussi. Polo, popo, popo. Attendez, attendez. trois du fond. Allez, à vous. Ils sont morts. Ils sont tous vides. 1, 2, 3. Pa pa la pa pa pa pa. T'as mais à moi toute seule je fais plus de bruit. D'accord. C'est vrai. C'était les White Stripes en version collège. En version collège, 3ème Q du Q. Collège qui s'appelle. T'es pas venu. Voilà, t'es pas venu. T'es en un seul mot. On a fait français là, juste à l'instant. Ouais, c'était un peu dur. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Je crois que ma moyenne est en train de descendre un petit peu malheureusement. C'est bête. J'ai combien là? J'ai 12,5. Oh la vache. Et on regarde pas ses notes avant en haut. D'accord. Non, c'est quoi ça? C'est au conseil de classe. D'accord, c'est au conseil de classe qu'on découvre tout. Et il me semble qu'après on part en PSE. C'est quoi ça, la PSE? Tu peux regarder sur ton emploi du temps si on part vraiment en PSE ou pas. Regarde sur ton emploi du temps. C'est bien PSE. Merci, j'avais un doute. C'est au bâtiment 3, salle 212. Je crois. Oh là là, on va mettre du temps à y arriver. Non, ça va, je prends l'ascenseur moi. Ah, ouais. Ah oui, ah, bah, t'as une jambe de cassée? Non, handicapé mental. Mon père il a eu un passe droit. Non, t'es flemmard. Moi je viens avec toi. Un passe VIP. Ah, l'ascenseur est bloqué. Oui. Ah, c'est bon, ça redémarre. C'est nous, on est en retard, excusez-nous. Entrez, vous êtes les trois H. Ah, bonjour, dame. Non, les trois Q. Bonjour, monsieur. Trois Q. Bonjour, monsieur. Ah oui, trois Q, pardon, autant pour moi. Monsieur. Je croyais que c'était une blague. Vous avez pris pour une demoiselle avec votre voix, mais en fait, vous êtes un monsieur. Vous êtes pas à la page, monsieur. Moi, un point. Non, mais je le disais ça comme ça. C'est ma virilité que vous attaquez. Ah. On s'en bat les couilles. L'insolence d'Alex. C'est vrai. Trop pas. Alex, tu vas au fond de la classe direct. D'accord. Toi, je vais pas te voir. Vous êtes qui, madame? Ah, vous êtes très beau, monsieur. Merci. Ça n'est pas quitté, hein. Oui. Ida, monsieur. Ida, ok, mettez-vous Ida, là, madame. À côté du chauffage, à côté du madame. Chauffage. Vous, c'est vous gentil, monsieur. Voilà. Madame. Oui, je dis madame. Je vous vois mes élèves souvent. On ne dit plus mademoiselle. Vous les trop. Non, on a plus le droit de dire mademoiselle. Alors, bienvenue dans ce cours de PSE. C'est quoi PSE? Est-ce qu'il y a. Eh bien, justement, question. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut dire PSE? Oui, mademoiselle. Prévention santé et l'environnement. C'est presque ça, mais prévention santé. On va dire que c'est ça. Bah et environnement, j'ai t'as dit non. T'as prévention dit santé environnementale. Mais environnement, ça va aussi. Hein. Oui. On va pas chipoter. Donc dans oui. Ton cul, la prévention de monsieur, la santé. Monsieur, oui. Est-ce que le radiateur il fait partie de mon environnement proche parce que je me il me réchauffe les jambes. Il fait partie. Comment ça Non, il est proche d'Ida, pas de vous. Ah bon. Non, éloignez-vous de ce radiateur. Allez près de la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. Fait froid, monsieur. Oui. Donc, prévention santé environnementale, comme son nom l'indique, c'est la prévention de votre santé. Et comment de l'environnement. Vous protéger? Oui, bah non, par rapport à votre environnement. Qu'est-ce que c'est que cette chose, Rachel? Je me suis trompée de côté, monsieur. Mais c'est une boule. Elle a fait un nez, monsieur. Un sabot? Avec des gants, monsieur. C'est pas fini. C'est des nibas. Rachel, on n'est pas en cours d'art plastique, hein. Désolée, si vous voulez, monsieur, j'arrête. Il y avait un cours. Elle fait trop son travail pour tout à l'heure. Oh là, la triche. Putain, c'est vrai. Mais, bref, PSE. Donc, nous allons. Je vais tâter le terrain. Je vais voir quels sont. Comment dire. Quel est votre niveau pour vous prémunir de tous les dangers. Qui est-ce qui a fait ça? C'est Adèle. Attention, j'ai des stylos. Pas je peux vous dire. Vous allez perdre votre seul point. Vous allez me dire comment vous vous. Pour une fois, monsieur, moi j'ai rien dit. Hein, parce moi, que souvent, moi je balance aussi, et là je balance pas. Hein. C'est vrai, Alex, vous pouvez monter d'un. Ah, d'un merci, banc. Monsieur. Voilà. Plus vous êtes proche, plus c'est bien. On va voir comment vous vous défendez au boulot. Oui, bon, bah, on aimerait bien avoir des questions au bout d'un moment. Tu veux une question? Oui, monsieur. D'accord. Quels sont les vaccins qui sont obligatoires en France? J'en dis quelques-uns. Le tétanos. Alors non, taisez-vous, je vais vous citer trois propositions parce que je sens que ça commence à partir dans tous les sens. Obligatoire. Alors, est-ce le DTP? C'est à pas confondre avec le BTP. Hein. Exactement, bien joué Alex. Mais le BTP c'est pas un vaccin, Ruti. Non, je vous confirme, c'est pas un vaccin. Le bâtiment, bâtiment. Si, c'est ça, c'est tout petit ce B, est-ce l'hépatite B? Il raconte n'importe quoi. Ah oui, c'est la réponse B. Ou petit C, le rougeole au rayon rubéole. Ah. Non, mon avis. A, c'est B pas ou C? En sachant que B c'est l'hépatite B. C'est moi. C'est vrai qu'il sonnait bien le C. Hein. Putain, t'es con, l'hépatite B c'est une MST. Une IST, pardon. Je sais pas. J'ai mis les initiales, monsieur. Moi j'ai mis la B, monsieur. Y a pas un DTP. Ah oui, d'accord. C'est quoi le BTC? Elle a mis détergent. DTP? Le premier c'était quoi? DTP. DTP. Elle en a mis deux. Ouais. Donc oui, on en a mis deux, mais techniquement, si tu devais choisir, Ida, entre un des deux, tu choisirais lequel? Ni un ni des l'autre. DTP, ça veut dire quoi, monsieur? Diphtérie, tétanos, polio. Ah, ça doit être ça. Je mets ça, ouais. Ouais, ouais, bah vous avez bien raison, Ida. J'ai bien fait de vous mettre à côté du radiateur. Ouais. Ça vous rend. Ça fait fonctionner mes neurones. Oui, parce que tous les autres, les neurones, ça je l'ai. Hein. Même. On a tous attrapé l'hépatite. On n'est pas vaccinés là. Alex, fermez la fenêtre derrière vous, s'il vous plaît. Je crois que c'est les élèves qui vont mourir. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était une question plutôt dure. Monsieur, est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est français? C'est pas rave. Oui, oui, c'est très français. D'accord. Tu connais pas le céleri rave? Ou la betterave? Exactement. Oh. Les raviolis. J'allais dire les raves de cantine, mais en fait, c'est les raves. C'est ta meuf que je raviolis. Oh, ah oui. La souris. J'aime bien votre bite. Vous pouvez monter d'un rang. Monsieur, je me retrouve au premier rang. Oui. J'ai mis 3 heures à comprendre. Alex, ça vous est jamais arrivé d'être malade? Si, monsieur. Il a bugué. Je crois qu'il est déjà. bon. Vous connaissez sans doute la grande famille des antibiotiques. Bien sûr. Ah. C'est pas automatique. C'est pas c'est bien un point. Vous allez dire. Oui. Ouais, moi aussi, je n'aurais pu le dire. Hein, vous savez. les antibiotiques, contre quoi ils sont utiles? Contre tout, monsieur. Les virus, monsieur. Les infections. Même contre les furoncles. Ah, furoncles, oui. Hein. Les infections. Les bactéries. Attention, j'ai 3 propositions, si vous voulez. Ah, bah oui. Est-ce contre tous les micro-organismes? Regardez la gueule de Cyril. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, l'ignac là il va mal. Est-ce contre les virus ou est-ce contre les bactéries? Et le premier c'était quoi? Tous les micro-organismes. Micro-organismes? Mmh, comme ton pénis. Oh, oh c'est méchant. Alex, je rigole. Je vais marquer les micro-organismes. Alex, fallait vraiment pas écrire ça, Alex. C'était une blague, Alex. Tu te fais avoir à chaque fois, Alex. Je suis trop nul aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. En plus, vous avez fait une bonne vanne dessus, vous avez rien compris. Pourquoi un C alors qu'il y a pas de C? Bah, si, un C, il y a 3 propositions. Ils ont la flemme. Ah bon, c'est quoi, tous les micro-organismes, virus ou bactéries? Mais j'ai compris, soit je croyais que micro-organisme c'était dans le. Ne vous inquiétez pas, Adèle, vous avez bon. C'est effectivement les bactéries. J'ai faux. Ah ouais d'accord, virus, bien joué Ida. Monsieur c'est pas pareil les bactéries et les virus? Ah non ça n'a rien à voir parce qu'une bactérie c'est alors, une... Alors allez-y Alex, expliquez-moi quelle est la différence entre un virus et une bactérie. Par exemple pour les virus on a des antivirus alors qu'on n'a pas d'antibactéries sur l'ordinateur. Tout simplement. N'importe quoi, c'est pas un organisme vivant. Je vais vous faire reculer d'un rang, c'est sûr. Non, qui a envie de gagner 2 points? Allez, les gars, là, du fond, là. Personne? Vraiment? C'est quoi la question? Bon, okay. Un virus, question, ça peut être. Expliquez-moi la différence entre un virus et une bactérie. Bah, un virus. C'est un truc qu'on peut attraper. Est-ce que t'es au fond? À cause d'une coupure, un truc comme ça? Non, c'est pas par rapport à comment vous pouvez l'attraper. Parce qu'on c'est par rapport à comment elle vit et comment elle se reproduit. Vous devez connaître ça, comment elle se reproduit. Très rapidement. Vous avez eu cours d'éducation sexuelle, je crois, récemment. Adèle, allez-y. Oui, Adèle, vous levez le doigt. La bactérie se multiplie plus vite. Aucun rapport. C'est faux, hein. Un virus, ça peut rien. Rachel, déjà, il y a plusieurs types de virus. Oui, ouais. Comme plusieurs types de bactéries. Merci, Rachel. Les bactéries, ça vit dans des endroits qui est déjà vivant. Ah, c'est pas un batracien, genre les grenouilles. Mais déjà, tout être. Je vois que l'éducation sexuelle est passée par là. Monsieur, non, on comprend rien. C'est quoi la différence? Alors, Ina, je vais vous expliquer. Une bactérie, c'est un micro-organisme assez gros, de la taille d'une cellule. C'est pas ta bite, Alex. Bon, c'est pas sa bite, effectivement. Voilà. Ce n'est pas la bite d'Alex. Donc, c'est aussi gros qu'une cellule et c'est un mode de vie indépendant. Ça se multiplie en tant que bactérie. Point bas. Un virus. C'est tout petit. Là, c'est comparable à la bite d'Alex. Thomas. Voilà. C'est tout tout petit. Parce que Catherine, elle est partie. C'est un oh le bâtard. C'est un élément qui peut rentrer dans les cellules et qui infecte les cellules. C'est pas gentil ça, monsieur. Et ça se reproduit en modifiant la cellule. La cellule, elle va se reproduire, elle va se diviser, elle va infecter elle d'autres cellules. Elle va manger la cellule et se transformer en virus. Elle va l'infecter. On parle plus d'infection. Est-ce que ça marche en prison, monsieur? Manger les os? Non. Non, les cellules. Ça ne mériterait pas un petit peu ce que je viens de dire? Non. Non, Alex, du tout. Il me retourne le cerveau, monsieur. Tant que c'est que le cerveau, on va rester calme ce soir. C'est par rapport au truc du ça prof de d'art plastique, là, où il fallait faire à l'envers. Ah. Ah ouais. Ah, il t'a attaqué le cerveau. Hein. Qu'est-ce que vous devez faire à l'envers en Le 69. On doit faire un bonhomme. On doit faire le prof à l'envers, monsieur. Il est pas beau le prof, il est pas beau. Vous avez des trucs très bizarres en art plastique. J'irai en toucher deux mots au directeur. Ah, vous pouvez le dire. Bref. Bon, quand vous êtes malade, généralement vous vous reposez, vous vous soignez avec des médicaments divers et variés, et après ça va. Mais il faut quelque chose d'autre aussi. Il faut manger pour s'hydrater, bien s'hydrater, bien s'hydrater, surtout pendant la gastro, bien se nourrir, dormir, boire de l'eau, boire de bien l'eau, se nourrir, bah, s'hydrater, c'est pareil, hein. Bordel, bien se nourrir et se reposer aussi. Manger. Oui. Et manger, exactement. Monsieur. Oui. Se reposer aussi. Tu oui. manges. Est-ce, est-ce qu'il faut manger aussi? Oui, il faut manger, putain. Et se reposer aussi. Il y en a qui vont reculer, hein, c'est sûr. Il y en a, ils vont aller dans la classe d'à côté. Moi, je dirais moins un point parce qu'ils vous et c'est les 6D à côté, donc je veux vous dire... Moins un point parce que... Non, mais Adèle, là, t'abuses, par contre. En tant qu'humain, quand vous mangez, vous avez des besoins énergétiques. Mmh. On est d'accord. Oui, moi, j'en mange trop, ça se voit. Oui, c'est vrai. Y a un c'est peu des de... calories, quoi. Donc, des besoins énergétiques, comment sont-ils répartis? Bien, va... bien. Bah, j'espère. Ça, Ah, genre protéines, glucides, lipides. Voilà. Ah, moi, j'allais dire, j'ai assez de sang, j'ai assez de on pas va prendre que trois familles. Les glucides, les protides et les lipides. Les lipides. Ces trois familles-là. En pourcentage, donc sur 100. Est-ce mais même y a avec les propositions, je vais galérer. 55% de glucides, 15% de protides et les 30%. Oui, c'est la famille des protéines. Protéines. 30% de lipides. 55, 15, 30. On est d'accord ? Oui, mademoiselle. Je vais faire pipi. Ouais, allez, je vais faire pipi, mais bon, vous aurez pas de points du coup. Je vais pas faire pipi. C'est bien. Mais je voulais enlever du liquide. Gardez-le, les gardez-le, lipides. Restez hydraté. Non, mais pourquoi lipides. T'écris lipides? Il te donne des propositions. J'ai pas donné trois propositions encore. Il a rien compris. Il écoute pas, monsieur. J'avais répondu avant qu'il pose la question. C'est, si vous mangez trop de lipides, vous allez finir comme votre ami Rachel. Alex, il a dit qu'il avait trois propositions. Écoute. Deuxième proposition. Est-ce qu'il y a 5% de glucides? Ah, d'accord, j'ai compris la question. 70% de protides et 25% de lipides. Ça fait beaucoup de protides là. Ça y est, peu de glucides. Au bout de 20 minutes, monsieur, il a compris. Je crois. C'est pas grave, faut pas lui en vouloir. C'est un gentil garçon. Il va s'étouffer dans son fou rire, monsieur. C'est pas grave. Réponse 3. Est-ce qu'il y a 80% de glucides? Souffle dans un ballon. 10% de protides et 10% de lipides. Aïe. Donc, d'après vous, c'est quoi le besoin le plus réparti, le plus équilibré pour un humain? Donc, nous avons la réponse A pour. Ida. Oups, pardon. Pour Thomas aussi. C'est étonnant, Thomas. Oh, Alex, vous rêvez. Oh, la vache. Oui. Tout le monde a oui. répondu A. Oui, oui. Alors, ah non, pas le con au fond de la classe. Ouais. Le con au fond de la classe, parce que tu manges beaucoup trop de protéines, je crois. Cyrillique. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je mange. Nous avons ouais. le con et sa pépette. Vous mangez pas de glucides, mais c'est pas grave. C'était bien, effectivement, la réponse la A. La pépette de Nico aussi. De qui? C'est pas là, d'ailleurs. De Cyril. Ah oui, pardon. Bah, ils sortent mais ouais, mais elle est sortie avec Nico, avant. Non, mais ouais, mais ça c'était il y a deux jours. Bah ouais, mais elle change de mec comme de chemise, elle. Maintenant c'est ton frère jumeau, donc ça reste dans la famille. Non, parce que tu verrais son t-shirt, ça fait trois semaines qu'elle porte le même. Ouais. Alors ça, vous voyez, pour en PSE, c'est pas très bon ça de garder les mêmes vêtements trop longtemps. J'espère que vous changez de sous-vêtements quand même. Non. Tous les 10 jours, monsieur. Non, tu les retournes, ça va. Du coup, j'ai un point. Oui, vous avez eu un point. Oui, vous avez eu un point, effectivement. Ah. On va rester dans le domaine alimentaire parce que bien manger, bien dormir, bouger, manger. Dormir. Ouais, la télé, ça fait des ravages. Enfin, ouais. C'est des bons messages en vrai, mais bon, oui. Ça dépend. Manger 5 fruits et légumes par jour. Pensez à covoiturer. Pensez à péter. Ah non, je suis rentré personne dans ma bagnole. C'est ça. Les protides, on a parlé tout à l'heure, ça englobe la famille des protéines. Oui. On est d'accord. Mmh. Les protéines, ce sont des nutriments qu'on obtient dans quelle famille d'aliments? Bananes. Non, pas les protons. Non, pas dans les bananes. La viande. Si. Même si techniquement. Si, il y en a dans les bananes. Chut. Je pense qu'il y en a un peu dans les bananes, mais au bout de la banane, tu sais. Mais oui, Rachel, vous avez un point. Oui. Voilà. Vous êtes contente, Rachel? Oui. Répondez à la question maintenant. C'est quoi la question? Fallait suivre. La viande. Le steak, j'ai marqué. Dans quelle famille d'aliments? Famille d'aliments. Charal. Est-ce dans la famille des produits laitiers? Non, mais c'est... Des légumes? Non. Des produits alimentaires. Ou des VPO? Des VPO. Des VPO. Viande, œuf, poisson. Viande. Ah, je croyais que c'était comme un VPN. Viande, poisson, œuf, vous voulez dire? Viande, poisson, œuf. Certes. VPO represent. VPO. Yeah. Represent. Viande, poisson, œuf. Oui. oui. Vous avez tous 93. Raison. Yeah, 37, 73. Et yeah. Effectivement, vous aviez raison, Rachel, vous l'avez dit, il y a des protéines dans d'autres aliments. Banane. Dans d'autres cas, la banane. Dans la banane. Banane. Avez-vous d'autres banane. Exemples Les amandes. Tu veux la banane question ouverte, avez-vous les d'autres cacahuètes. Exemples sorte de. Les amandes. Steak haché. Non. C'est pas moi qui dis amandes. C'est déjà dans la viande. Non, non, vous avez pas. Dans les œufs. Bah, VPO. Merci, hein. Poisson. C'est pas grave, c'est pas grave. Le yaourt aux fruits. Joli, joli, joli. Techniquement, il y a un pourcentage. Dans les côté. Céréales. Non, vous mangez des céréales à quoi? Au beurre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est des croquettes. Des croquettes. En fait, comme on est, c'est quand pas on fait une fondue. Les desserts, le chocolat. Non, mais c'est bon, la question. je veux plus vous entendre, c'est bon. Manger équilibré. C'est non, important. C'est pas bien ça. Avec du sport. Moi je vais parfait. Manger que du chocolat. Mangerbouger.fr. T'en fais beaucoup de sport, Rachel? Oui. Ouais, tous ça les 15 du mois. Ouais. Il n'y a pas de 15 bon. Alors, du coup c'est férié à chaque fois. Non, manger équilibré. C'est quoi? J'aimerais que vous écriviez une définition sur votre ardoise, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. C'est quoi? Je vais avoir un stylo qui fonctionne. Vous pouvez avoir un stylo qui fonctionne. Je vous redonne un stylo qui fonctionne pas, du coup. Ouais, bof. Je suis un connard. Ah. J'aime bien cette petite période de calme quand vous êtes en train de bosser. Ça y est, monsieur. Monsieur. Comment ça? Putain, j'ai même pas eu le temps d'aller sur Candy Crush. J'ai la réponse, je peux la lire? Non, t'attends. Je veux même pas que. Oh, moi aussi, monsieur, attends, c'est trop ça. Fruits et légumes? Manger non. équilibré, c'est manger fruits et légumes? Ouais, non, ça veut non, rien non, dire. Non, c'est même pas manger, il y a écrit juste fruits et légumes. Ça va, c'est pas vraiment une réponse. Moi j'ai marqué un peu de tout, mais pas trop trop beaucoup de chaque chose. Moi je l'ai dit, c'est mais en meilleur mal. Terme. C'est pas mal. Hein. Allez-y, je vous j'ai écoute. J'ai dit manger de tout en quantité suffisante selon nos besoins énergétiques. Toi tu t'es cru dans ta prime rénov. Ouais. Oui, Adèle? Moi, je manger veux de tout. Je veux le point. Les groupes d'aliments en quantité suffisante. Vous avez pas genre copié exactement ma phrase? Moi j'ai écrit bon. Non, pas vu, pas vu. Manger équilibré est égal manger sainement. Manger de tout mais en petite quantité. Ouais, fruits, légumes, plus viande, plus poisson, etc. On t'a pas demandé un test. Éviter par contre les féculents le soir. Antoine, alors non, ça on s'en bat les là-bas, couilles. Mais oui, je vous accorde un point. Ça fait peur. Avez-vous ça, d'autres idées par là-bas doux, là. Oui. Mademoiselle au fond, Sarah. Croche. Pelle. Quelle violence. Manger ça rassure. La bonne répartition lipides, glucides, protides. Ah ouais, là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien cette formulation. T'as, je trouve que t'as un peu trop copié de. Bon, Thomas, fruits et légumes. J'ai trouvé autre chose sinon. Oui, bah, fruits et légumes. Faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est pas ce que vous avez dit. Tu peux rappel. Manger, mais en petite quantité, on t'a dit. Alors, que ça soit Cyril ou toi. Non mais le dit à la télé. Manger 5 fruits et légumes. Alors mais je vous assure, vous êtes pas prêt à soulever des trucs, hein. Je vous l'ai tout de suite. Ça sera des pommes allumettes vos jambes. Mais bon, toi t'es un vegan toi. J'ai beaucoup aimé la réponse d'Ida. Ida, tu as 2 points. Et les végétariens. Elle a dit quoi, Ida? Elle était trop belle sa question. J'ai dit manger de tout en quantité suffisante selon nos besoins énergétiques. Ouais, mais enfin moi que c'était quand même aussi beau, hein, un peu de tout mais pas trop beaucoup. Mais moi je trouve que les autres aussi ils ont bien dit. Bah oui, c'est vrai. Moi je trouve que c'est vrai, hein. Mais c'est génial. Merci Rachel pour votre avis. Argument zéro. À cause du radiateur, ma banane a pris un coup de chaud. Bah enlève ouais. déjà. Et tu peux enlever la queue. Vous savez que les nutriments, ils sont absorbés au niveau de l'estomac dans le sang. Par la et bouche, c'est le sang après qui distribue les nutriments. Vous êtes d'accord? Peut-être. Et par les muscles. Dans les muscles. Par le sang dans les muscles. J'ai un bistec coincé dans le biceps. Du coup. Dans le sang, il y a plein de composants. Vous devez en connaître certains. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Les plaquettes blanches, les plaquettes rouges. Du colorant, effectivement. Du disque de frein. Rouge. Du disque de... Non, il n'y a pas de disque de frein. C'est la plaquette. Il y a des disques. Non, c'est un tambour. Bref. Elle n'a pas compris celle-là. Non. C'est pas grave. T'as pas regarde compris les père. Freins à tambour. Oui, bah utilise ta guitare. Même que si on a des globules, les globules blancs élevés, ça veut dire qu'on est en pleine infection. Urinaire. Non, ah ouais plus court. Bah oui. Ah ouais. Le globule blanc est alors, égal malade. Quel est le. Infection. Plus. Et si on a que c'est des globules. C'est bizarre, Rachel. Bizarre. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, mais oui. J'ai fait biologie dans une autre vie. Ah ouais, ça se voit. Ouais. Quel constituant du sang permet de mieux se défendre contre une infection ou les virus ou quoi les que ce soit. Les globules blancs. Je vous laisse écrire sur l'ardoise entre globule rouge, globule blanc et plaquettes. Putain, parce que j'avoue que j'ai un petit doute. Bah, je sais pas quel est ce petit doute, mais bon, je vous avoue. Je me demande quel est le rôle des globules blancs, c'est Rachel. Plaquette de shit. Ah, je vous assure est-ce que ça passe. Plaquette de beurre. Genre monsieur. Les gants de boxe qui permettent globules de blancs. Nous défendre. Eh ben, vous avez tous raison, sauf Rachel, parce que t'auras pas à prendre. J'aurai rien à foutre. Pourquoi sauf peut-être Adèle, non, du coup. Non, mais ça se fait pas, c'est quand même un point, ça se fait pas, c'est la réponse quoi. Ça peut être une question bonus. La réponse après avoir donné un truc, mais bordel, un truc. Que j'en savais, t'allais le coup. Moi j'ai plus de. Alors, techniquement, tu n'as pas tort. Mais t'as mais pas j'aimerais que raison. Tu m'expliques pourquoi. Je viens de te le dire, si on a plus de globules blancs, ça veut dire qu'on est en pleine lutte contre une maladie. Voilà. Parce que le globule rouge, c'est trop fuyard. Ça ne se bat pas un globule rouge, ça transporte juste. Les plaquettes, par exemple, blancs, ça sert à. Les mousquetaires, c'est ça. Par contre, j'ai mon point parce que sinon, oui. Ça se fait pas. Hein. J'ai pas compris. Les mousquetaires, c'est ceux qui ont une épée qui vont pour se. Battre. Alors, tous unis contre la vie chère. Les globules rouges, ça transporte. Les globules blancs, ça protège. Quand vous avez des globules blancs, vous pouvez vous protéger vous contre avez toutes dit les quoi après globules monsieur, rouges j'arrive pas à me concentrer les avec les autres qui rigolent. C'est quoi les globules rouges, vous avez dit? Ça transporte ça les maladies. Transporte. C'est ce qui permet de transporter. L'oxygène. C'est la majorité du sang. L'oxygène. Voilà. Je suis d'accord. Une sorte de camion quoi. Les globules blancs, ça protège. C'est ça qui vous permet de lutter contre toute infection, c'est virus, comme... etc. En fait, les globules rouges, c'est comme des petits arbres en nous. c'est des odeurs. J'aime bien votre image. C'est mignon. Hein. C'est poétique. Non, moi c'est Adèle, merci. C'est poétique. Et on appelle ça une métaphore. Et les plaquettes, à quoi servent les plaquettes? Quelqu'un peut me le dire? À beurrer. Beurrer les tartines? Plaquettes de shit. Vraiment? Wesh. Personne nous a on une fume idée. Ça vaut un point cette question. À faire le lien entre les globules rouges et blancs? Et on peut pas faire de c'est lien. C'est une sorte de médiateur quoi. Attends, c'est je cherche une blague. Y'a pas de blague. C'est pour savoir ce qu'on a dans le sang? Non. Les c'est plaquettes, imaginez que vous saignez. Ah bah ça nos répare règles. Ça répare automatiquement. Cicatrisation. Cicatrisé, ouais. Alors les règles, ça cicatrise pour. Oui, mais ça saigne. Non, oui. Mais oui, oui ça saigne. Mais justement, c'était pour vous aider. Quand vous saignez, quand vous vous blessez, ça coagule le rôle le des sang. Plaquettes est exact. J'aime ce mot coaguler. C'est ça qui va permettre au final de refermer votre plaie, de faire une croûte. Monsieur, elle m'a fait un on fait l'a dit que... quand ça cicatrisait, nous. Hein. Non, mais Ida, non, ça coagule. Ida, elle a parlé. Mais oui, on a dit ça cicatrise. On a parlé ensemble, monsieur. Ah oui. Mais j'ai répondu à ta question, je veux un point. C'est vrai, oui, t'as dit que... Elle vous a tutoyé, Cyril, monsieur. Cyril l'a dit avant. Elle vous a tutoyé, alors, monsieur. Là. Cyril l'a dit avant, quoi. Oui, c'est pas grave. On a fini. On a pas entendu Cyril. Vous là. Connaissez mon nom de famille? Ah bah non. Quel est mon nom? Quel est mon nom? Attends, ça vaudrait presque un point, cette question, hein, je crois. C'est comment il s'appelait, déjà? Je sais plus, bah... Non, triche ah, pas. Ah, monsieur Basile. Basile. Ouais, ah ouais, c'est un... Ah oui, Basile de vous coq. Avez dit que ça valait un point, monsieur. Basile de coq. Oui. Non, mais vous êtes pas loin, vous touchez quelque chose. Qu'est-ce qu'une bacille? Un microbe. C'est une forme. De bactéries De bactéries. Il nous l'a dit. Oh, effectivement. Et ça mérite un point par contre. Moi j'ai dit le nom et il a dit que ça méritait un point. Laissez faire la question, Rachel, vous êtes sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie et puis après on a sorti. Vous pourrez gagner 3 points si vous répondez à cette question. Ah ouais. Allez, ultra dur. Waouh. On a cité les bacilles, on a cité les coques. Et là, ça vaut presque un point. Les coques. Ce sont des formes de bactéries. Comme il existe une troisième forme de bactéries. Les cochines. La poule. Les cochines. Quoi? Non, pas la poule. Quelle est-elle? Quelle est cette troisième forme? Allez-y, lâchez-vous, il y a 3 points. Ovale. Inflammation. Pensez, et franchement, pensez à des formes. Carré. Rectangle. Ronde. Losange. Non. Triangle. Non, c'est pas des formes... Ovale. Bilatéral. Non, mais c'est pas loin. Équilatéral. Ça se finit en al, effectivement. Ah oui. Équilatéral. Latéral. Diagonal. Non. Exactement. Non. Non. Perpendicular. Non. Parallélépipède. Ça ressemble plus à un rond. Ovale. Non. Ovéral. Non. Anal. Non. Mais... On t'entend pas. Rectal. Je sens que vous êtes inspiré. On est en troisième, tous nos. Marginal. Si je vous dis spirale. Spirale, c'est bien. Eh, c'est comme l'ADN. Spirale. Oui, spirale, ouais. Mais c'est comme l'ADN avec les deux branches. Oui, c'est un peu ça. Monsieur. Oui, vous avez écrit juste après que je le dise. C'est très bien. Sur quoi je vais finir? Non, je vais finir mon On a 3 points du coup, monsieur. Non. Bah. Vous savez quoi? Vous pouvez sortir. J'en ai marre. Hein. Sont nuls cette année, les gars. Ah. Hey, B, C, D, Alex, Alex, tu fais quoi là? T'as cru qu'on avait anglais ou quoi aujourd'hui? Tu sais que c'est plus vraiment, comment dire, notre level, l'alphabet quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est, je sais. Non, mais je suis trop pas en train de réviser, tu crois quoi? En fait, tu sais, je chante la chanson de Davina Michel, là, celle quand la reprise de Gayle, là, ça fait. A, B, C, D, E, F, U. Hé, hey, cousin, viens me voir si t'as raté le début de la classe sur Indestar. Je te podcast ça, pépère. Up in the morning after school. A, C, D, C. Ok. Ah, je suis pas mécontente que ça se termine, ça dure pas longtemps. Je préférais notre remix à nous, hein, clairement. J'aime bien Emmett, ça, c'est des. Bah, ouais, mais c'était horrible un peu. Oh, quoi? On non, aurait dit mais... vrai. Tu me regardes avec un. Ouais, c'est assez décevant version. Au moins ça, ouais. Oui, c'est bah ça, c'est ouais. Wish. Pas chier. Alors, Amel, tu es en train d'écrire sur ton ardoise, qu'est-ce que tu écris et pourquoi on est là? Alors, j'écris ce qui ne te regarde pas. D'accord, hein. D'accord. Et on est là apparemment pour faire une belle émission. Ouais, une émission où on va dans un. Collège. Collège. Avec des. Élèves. Et avec des. Professeurs. Et avec des. Élèves. Des cours. Pour suivre des cours. Cours. Ok, à la fin, le conseil de classe, ça sera dans pas très très longtemps. Mais avant, on a encore d'autres cours à suivre pour obtenir la meilleure moyenne. Qui va prendre cher? Qui va prendre cher? J'avoue que. Ça va, ça ouais, va ouais, enfin ça c'est va, parce vite que fait tu quand fais même. Beaucoup le con quand même. Oui, c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi, c'est Alex, hein, s'il te plaît. Ouais, ouais, pardon. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais je suis sûr, ce serait pas. En même temps, il te ressemble tellement que. Bon, je trouve pas. On dirait son frère jumeau. Je suis bien plus beau que lui. Non, ça c'est toi qui. quelques années de plus là. Cassé. Quel est le cours? Qu'est-ce que je vois au programme de la psychologie? Genre en 3ème, il y a de la psychologie. Il y a peut-être un truc d'introduction à la psycho. Ouais, on va s'introduire alors. J'adore introduire. T'as rien demandé, Roberto. C'est vrai, c'est vrai. Ah, la cloche sonne. T'as réussi à la longueur d'avance. T'as un bon timing, Alex. C'est en classe 492. Ah la vache. Plus ça va. Grand ce collège. Ah ouais. Oui, entrez. Bonjour, madame. Oh, vous êtes belle. Bonjour. Oui, oh, mais quel suceur. Ils vont nous faire ça à tous les profs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bah, oui, seulement madame. Plus belle. Ah là là, la chaise elle est rudement confortable. Asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, me fait mal au fiac. Merci, merci. J'ai une petite voix, madame. Est-ce que je peux me rapprocher un petit peu? Oui, je vais essayer de parler plus fort. D'accord, madame. Je peux m'asseoir sur votre nom, madame? Non, c'est pas possible, ça, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Roberto, Alex. Madame. C'est Roberto. Roberto. Roberto, asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, madame. Oh, alors, je suis votre prof de psychologie, je suis Madame Descompenses. Bonjour, Madame Descompenses. Moi, dès que je pense, j'ai le cerveau qui brûle. Oui, ça, c'est normal, parce que t'as pas l'habitude. Moi, je pense à l'île de Ré quand je pense à vous. Pourquoi? L'île de récompense. Alors, un peu de discipline, s'il vous plaît, un peu de discipline. Alors, nous allons voir aujourd'hui une introduction à la psychologie. Le ministre de l'Éducation nationale a imaginé ces quelques cours maintenant. Il aurait peut-être pas dû. C'est passé, c'est une bonne idée. Hein. Écoutez, je ne suis pas décisionnaire. Non, par contre, vous n'êtes pas démissionnaire. Monsieur, elle est trop bonne. Monsieur, monsieur, un peu de calme, s'il vous plaît. Alors, ma première question, je vais vous donner peut-être un petit peu mon parcours. Alors, j'ai eu un Master 2 à Paris 2. Je fais comment pour le rattraper si vous me le donnez? De psychologie clinicienne. Moi, avec ma maman, on a joué au Mastermind hier, ça j'ai compte. Fait une psychanalyse pendant 18 ans. On s'en fout un peu. Elle est prof à partir de 58 ans, quoi. De nombreux stages aussi en psychiatrie, voilà. Voilà pour mon parcours rapidement. Ah. Alors, ma première question, oui, peut-être en psychiatrie alors? Non, moi je pense plutôt que je vais faire un stage en mécanique. Ah oui, oui, peut-être que la psychologie vous servira, monsieur. Je pense pas, moi. Alors, ma première question est assez simple. Hein. J'ai essayé de faire simple, mais bon, mes semblables me disent que quand je fais simple, c'est que je fais compliqué. Alors, on verra. Hein. Alors, Je pense que, madame, que vous n'avez pas trop de semblables, hein, en vrai, parce que je vois rien qui vous ressemble. Alors, ma première question porte sur la définition du mot psychologie. Est-ce que vous pouviez... Pourriez m'en écrire une sur votre ardoise, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, on ne copie pas ni les uns sur les autres. Merci. Vous pouvez répéter la question ? Oui, monsieur. Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Thomas. Thomas. Alors, essayez d'écouter, monsieur, s'il vous plaît, Thomas. Alors, il faut donner une définition du mot psychologie. Quelle est pour vous, selon vous, la psychologie ? J'ai marqué madame. Je peux dire madame ? Oui, non. On va attendre que tout le monde finisse, s'il d'accord. vous plaît. D'accord. Je suis rapide, madame. Vous êtes un peu agité, monsieur, oui. Oui, on dit ça aussi, mais on dit rapide aussi. Je préfère rapide, d'ailleurs, que agité. Voilà, on va attendre que tout le monde finisse. Ah, après, il y a des lents aussi dans la classe. Oui, voilà, mais c'est ça normal, les différences entre les gens, monsieur. Oui. Alors, pour ceux qui ont écrit quelque chose, vous pouvez commencer à me donner votre définition. Il a écrit un mot, l'autre. Monsieur, monsieur, on a demandé une phrase, hein, pas un mot. Oui, une définition, monsieur, plus qu'un et mot. Et Cyril, bon. Même le L de ton mental, il est... il est mentalement... Psychologique. Instable. Alors, je vais faire avec ce que j'ai, hein, parce que je ne peux pas faire autrement de toute façon. Alors, monsieur Thomas, mental. Mental. C'est pas mal. C'est les mentales. Monsieur, comment vous appelez-vous, s'il vous plaît ? Cyril. Cyril, mental aussi. D'accord. Est-ce qu'on a un point, si c'est bon ? Si on a une bonne définition ? Oui, oui, c'est un point par bonne réponse. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, je ne vois pas, mademoiselle, votre prénom, s'il vous plaît ? Sarah, oui. Sarah, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez mis sur votre ardoise ? C'est qu'on parle du mental. Alors, le mental, d'accord. Ah, le foutage de cœur. En fait, là-bas, ils sont plus dans le mental, quoi. Oui, ouais. oui, tout à fait. Moi, c'est l'étude de l'esprit. Essayer de comprendre des différentes solutions pour un problème. Non, ça va rien. Non, ça, c'est les comprendre les solutions. Allez-y, madame. Étudier les comportements de personnes. Trouver des solutions, comprendre quelqu'un à travers une analyse verbale. Elle est en troisième ou elle est en mastermind ? C'est pas mal. Moi j'ai dit se connaître mieux. Oui, oui, bah, c'est assez bref comme définition. C'est Ida qui m'a dit ça tout à l'heure. Alors, monsieur Carlos, oui ? Alors moi j'ai mis l'étude de l'état psychologique d'un humain. Donc l'étude de ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Ah, c'est pas mal ça aussi, c'est merci, pas mal. Merci, merci, je savais. Je vais attribuer un point pour mademoiselle et un point pour Carlo. Yeah, moi j'ai pas dit. Mais toi on s'en fout. C'est quand on essaye de savoir ce que pensent les autres. Oui, c'est pas mal aussi, mais c'est trop c'est trop bref. C'est trop vague. J'étais le plus rapide. Hein. Non, non, non. Les autres, ils ont mis 3 heures pour dire madame, mental. Moi, je dis madame, c'est bon, un point pour... Elle a dit un mot, Rachel, un mot. Rachel et un point pour Carlos. Je suis d'accord, madame. C'était très c'était bien. Un point donné, là, les gars. C'est Roberto. Alors, je vais quand même... Ah, je me fous de ta gueule. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je vais quand même vous donner la définition... En bonne et due forme. Voilà, que les scientifiques donnent au terme de psychologie. Alors, psycho vient du grec psyché, qui signifie âme, esprit, tout à fait. Et logos, langage, raison, discours ordonné. Et je vais vous donner une définition qui me semble assez claire. La psychologie est la science qui étudie comment l'individu, sujet, acteur, perçoit, ressent, apprend. Écoute ce que dit la prof, c'est super intéressant. Pense, pas tant que ça. Hein. Aime, désire. Décide, communique et agit, et en qu'elle développe son mise en œuvre. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. C'est une science assez complexe. Hein, on est en psycho, en philo. Elle concerne votre cerveau, entre autres, vous savez. Ah, ah si, la psycho, j'aime bien, c'est la psylo que j'aime pas. Moi, j'ai été en stage, on m'a dit de poser mon cerveau à l'entrée. Alors, nous allons continuer le cours, s'il vous plaît, ne vous dissipez pas, parce que c'est une science assez difficile. Hein, donc, La dissipation ? Non, la psychologie. Ah monsieur. Oui, tu me disais aussi. Alors, pour cette deuxième question, pourriez-vous me trouver un homme célèbre, biologiste et éthologue, s'il vous plaît ? Ah oui, c'est... Ethnologue ? Éthologue. Alors, savez-vous ce que ça veut dire, éthologue ? L'étude de l'étymologie ? Alors non, c'est l'étude du comportement des animaux. Ah, des animaux ? Oh merde, c'est pas un comportementaliste ? Ethnologue, c'est celui qui étudie le comportement des ethnies. Je suis Nicolas Hulot. Alors, je vais peut-être un petit peu vous aider quand même. Hein. Ouais, parce que là, je vois pas. Parce que je vous sens un peu. À part Michel Blanc. Alors, c'est un éthologue qui se passionne pour le monde animal dès l'enfance et qui rêve d'adopter une oie sauvage, à défaut d'en être une. Ça m'aide pas, là. Alors, je vais poursuivre un peu, peut-être que vous. Moi, j'ai mis trouvé. Einstein. Non, pas du tout, madame. Yann Arthus Bertrand. Non plus. Alors, il s'agit d'un célèbre homme hein, qui a créé sa première colonie d'animaux en 1927. Oh, j'étais pas née. Il avait horreur de la domestication. Il étudie les animaux dans leur milieu naturel. Monsieur Caneton. En vivant parmi eux. En 1929, il est docteur en médecine. Et 6 ans plus tard... Une question pour un champion. Je vous avais dit que ça serait dur. Après avoir soutenu à Mendic une thèse de doctorat sur le... Tarzan et l'ami. Écoutez-moi bien, c'est important. Sur le vol des oiseaux, il se tourne définitivement vers l'étude comparée des comportements animaux. Vous ne connaissez pas un éthologue célèbre? Ben non, là, vraiment, on voit pas. Hein. Il doit pas être si célèbre que Je ça. Je sais. Hein. Comme le poisson. Alors écoutez, il a vécu avec des oies, c'est Conrad Lorenz. Oh bah bien sûr, bien sûr, bah oui, Conrad Lorenz. C'est pas le mec qui a joué dans Bad Boys? C'est pas non, celle qui a des gros lolos? Je vais. C'est un mec. Ah, c'est pas celle qui chante Africa? Je vais un Rose peu. Lorenz. Je vais. Non, pas du tout. Restez dissipé, s'il vous plaît. Je vais un peu vous décrire ce qu'il a fait. Donc il a élevé des oies. Il s'est mis au sein d'un groupe d'oies. J'aime bien mettre au sein. Ouais. Quand elles étaient petites, et puis quand des petites sont nées, elles l'ont pris pour sa mère, en fait. Il a démontré la théorie de l'empreinte. Un en peu fait. Comme Mowgli. Moi, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est con une oie. Il s'est même pas reconnaissé. Non, parce que Mowgli dans la jungle, on le prend un peu pour un animal. Alors, je vais continuer ma main. Aïe, mes oreilles. Ma troisième question, bon, c'est un peu dur, excusez-moi. Bah oui, c'est vrai que là, on dirait pas qu'on va tous avoir zéro, tu sais. Non, il y a des questions plus simples. Mais encore faut-il avoir les réponses. Oui, c'est vrai. C'est très philosophique. Alors, encore faut-il avoir les réponses. Non, c'est philosophique, pas psychologique. Alors, de quelle théorie s'agit-il? Alors, il va falloir deviner. C'est dégueulasse. Alors, c'est une théorie connue, hein, donc j'essayais quand même de faire la théorie des cordes un peu simple. Quand même, j'ai vu parfois. Ça, moi, c'est Einstein. Alors, cette théorie, dans ses expériences, Arlo, qui est un psychologue américain pour animaux, a exposé de jeunes bébés singes à différentes mères porteuses. Arnaud Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. À sa surprise, les singes qui avaient le choix entre une mère en tissu qui ne les nourrissait pas et une mère en fil de fer froid qui les nourrissait, les petits singes préféraient la plupart du temps la première. Ce qui était étonnant pour l'époque parce qu'on pensait que les singes allaient vers la mère nourricière. J'ai pas tout compris. Il y a des propositions, madame. Alors, en fait, c'était une expérience qu'il a fait, Arlo, si vous voulez. Il a mis des singes dans une cage. Bah, c'est la théorie de l'Arlo. Oui, mais il faut développer, madame. Développer. Eh ben, c'est ce que vous venez de dire. Il a fait les trucs de singe. Oui, mais avec les mères porteuses, nourricières, etc. Voilà, donc c'est sur un lien qu'on peut dire affectif. Hein. Ouais, exactement. C'est ça. En fait, il les a appris comme si c'était ses enfants. Non, mais cherche pas. Je viens de dire toutes les réponses là. Est-ce que j'ai un point, madame? Je crois qu'il y a Adèle qui veut répondre. Là, vous ne connaissez pas du tout cette théorie. Bah, ça commence par Arlo. Ah, non, tensionné. Je vous mets sur la loi. Alouette. Il y a de l'idée. Excusez-moi, mais je crois que j'ai fait beaucoup trop dur. Mais c'est possible, dame. Alors, c'était... Oui, mademoiselle. Je sais imiter le singe préhistorique. Est-ce que je peux le faire? Excusez-moi, je me sens... Moi, c'est pété avec mon doigt. Je me sens un peu couette parce que j'ai fait vraiment beaucoup difficile. Je pensais que... Non, encore, nous, on est intelligents quand même. Alors, parce que moi, j'ai pété avec mon coude. Et fais pas ça, je prie tout. Alors, c'était la théorie de l'attachement, vous savez, le lien. Moi, je l'ai dit, hein. Évidemment. Entre l'enfant... Ah ouais, je le fais tous les jours avec mes cheveux, en plus. Vous savez, quand les donneurs de... On appelle ça les donneurs de soins. Quand les donneurs de soins, c'est effectivement, la plupart du temps, les mères biologiques, quand elles développent un lien affectif avec leur enfant. Moi, ma mère, elle est pas trop biologique. Je crois qu'ils ont mis du pesticide dedans. Ah bah, peut-être. Elle est pas bio, ta mère. Peut-être. Alors, voilà, bah, excusez-moi, mais encore une autre théorie. Ah merde! La théorie du désespoir! Alors, je vais essayer de vous la faire deviner. Ah oui. Alors, elle suppose que le comportement humain et animal ne peut être expliqué que par le conditionnement. C'est... Les scientifiques de cette théorie pensent que la psychologie devrait se concentrer sur les comportements physiques mesurables. La théorie du comportement animal. Non, madame, mais c'est sur le conditionnement. Le conditionnement. Bah, la théorie du conditionnement des animaux. Non, pas du tout. Non, je suis trop charismatique. La mise en boîte, madame. Alors, il y a de l'idée parce les que... Les sardines. La mise en bière. Il y a de l'idée parce que les scientifiques ont commencé par le... La scientifique a commencé par un chien. Hein? La théorie du chien. Vous savez, il salivait Lucie. Quand il entendait un bruit de cloche. C'est pas Sputnik. Lui qui est parti Sputnik. Dans la lune. Bah, Sputnik. C'est Lucie. C'est ouais. Sputnik. C'est qui Sputnik? Ça ne vous dit rien. Sputnik, c'est le premier satellite qui est parti. Le conditionnement, quand on essaye de faire répondre, faire stimulus-réponse. L'hypnose? Non, pas du tout. Ouais. Le truc avec des pics là. La théorie de l'apiculture. L'apiculture. L'apiculture. Pas du tout. La peine culture. Je vais vous dire une expérience qu'il avait fait à l'époque. Un nourrisson nommé Albert, il aimait et tentait de caresser un rat blanc, Watson, pour en venir à le craindre. Ah, c'est la théorie de Watson. Oui, c'est une théorie entre autres de Watson. Élémentaire. Mon cher Watson. Alors, bah écoutez, je vais vous le dire parce que ça semble très difficile. C'est la théorie du behaviorisme. Non, ça va, c'est pas très difficile. À vos souhaits, madame. Tenez, je vous donne un mouchoir pour vous. Le behavior, vous connaissez un... Oh, le behavior. Moi, souvent, j'utilise... Moi, je connais la théorie du Yorkshire, mais... Non, le behavior. Ah, le Yorkshire. Lui, c'est à cause de son Yorkshire qu'il est tombé... Non. Le behavior, c'est le comportement in English. Le comportement tout... Ouais. Voilà, mais c'était la théorie du conditionnel. Il est 21h, c'est fini. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On s'ennuie alors, pas dans votre cours. On vous adore, madame. Alors, là, il s'agit de trouver, s'il vous plaît, et de mettre sur votre ardoise. Ah, on va mettre sur l'ardoise. Deux courants psychologiques que vous connaissez. Deux courants psychologiques qui sont célèbres. Courant période déstructurée de Picasso. Vous en connaissez au moins un. Il y a un générateur électrique. Il y a l'impressionnisme. Il y a un très célèbre psychanalyste quand même. Courant... Ah, la mère de Carlos. Non, pas du tout. Le courant océanique. Dolto, là, Françoise Dolto. Moi, je connais que le courant électrique. Françoise Dolto, elle disait, ouais... Sur le courant, me faites pas chier, hein. Alors, allez-y. Alors non, c'est pas sur les émotions, mais il y a de l'idée. Mais il est courant, c'est pas ça. Je trouve moi, c'est assez courant, ça. Le courant moderne. Le courant d'air. Moi, je vois que le courant électrique et le courant des vagues. Je vais vous en donner deux. Par exemple, le courant psychanalytique, c'est connu avec Freud. Ah, Freud. Freud, je connais Freud. Le courant analytique. C'est un peu un poteau. Voilà, Freud avec... Analytique. Elle l'a dit. Alors, non, elle a dit psychique. Non, parce que l'analytique, c'est, vous savez, on a... C'est analyser quelque chose. C'est analyser. C'est analogique. J'ai un point. Le courant analogique. Tu veux le courant analogique, toi? Par exemple, il y a aussi les thérapies cognitivo-comportementales. Ah oui, ça, c'est... ouais. Oui. Voilà, vous voyez, quand vous avez une phobie, eh ben pour, on va essayer de graduellement... Genre une araignée. La patiente ou le patient, le mettre graduellement face à la situation d'exposition avec sa phobie pour essayer de déconditionner cette peur, voyez. Roberto. Moi, souvent, le week-end, je vais faire des expositions avec mes parents. Il y a aussi le courant humaniste. Est-ce que vous connaissez Maslow, par exemple? Oui, besoin la pyramide de Maslow. Ah, voilà. Oui, pour Maslow, j'écoute. Ça fait un point. Ah, j'aurais dû commencer par ça. Non, ça fait pas un point. Mais c'est pas dans ça fait un point. Mais c'est pas mal, oui. Ouais, oui, bah, ça fait un point. Allez-y, Moi, pour Maslow, j'écoute... Alors, mon autre question porte sur... vous savez que je m'appelle Madame Descompenses. Hein, ah, je devais être, ma voix était toute tracée, mais alors... Là, on pense trop, madame. Savez-vous qu'est-ce qu'une décompensation psychique? Savez-vous ce que c'est qu'une décompensation? C'est un genre de burn-out. C'est quand toute la pression descend. C'est un relâchement. C'est un terme scientifique. Relaxation. Vous avez dû voir ça dans votre entourage. Oui. Qu'est-ce que la décompensation psychique? Des suicidaires. Une dépression? Ça peut être une dépression, mais j'aimerais le terme général, s'il vous plaît. Maladie mentale, psychique. La tristesse. Un burn-out. Un burn-out. Alors tout ça en fait partie, mais il faudrait le terme général. Ouais, moi j'ai mis un truc scientifique. J'ai dit c'est un trop-plein. C'est pas trop général. Ça. Comme dans les voitures. Alors bon, écoutez, je vais accorder un point hein, parce que c'est... Je vous vois assez démoralisé, donc je vais accorder un point à ceux qui ont tenté quelque chose là. J'ai tenté moi. Il y avait de l'idée. Alors c'était tout simplement la rupture de l'équilibre psychique. Donc quand vous faites une dépression, quand vous faites un burn-out, etc. Un trop plein quoi, un truc. Voilà. Une dépression. Alors une question peut-être plus simple que vous avez. Non, mais là j'en doute à chaque fois que vous faites ça. Et... 3 plus 3. Et 4. Écoutez, par rapport à l'actualité de France Télécom, vous savez, en management. Ils se servent aussi de la psychologie humaine. Oui. Voilà. Alors, à un moment, ils voulaient imposer, vous voyez, quand ils faisaient une restructuration, ils voulaient pressuriser les employés. Et tout le monde, ils suicidaient, madame. Voilà, exactement. Oui. Et alors, ils se sont basés sur une étape une étude. Les étapes du deuil. Les étapes du deuil. Il y en a 7. Pour faire accepter la situation. Alors, est-ce que vous pouvez me les nommer sur votre ardoise, s'il vous plaît? Les étapes. Les étapes du deuil, etc. Exactement. Compte en argent. Et j'en veux 5, s'il vous plaît. Bah, j'en connais même pas une seule. Alors, les étapes du deuil, c'est quand vous êtes confronté à quelque chose et ah, comment ça, réagit votre mental. La tristesse, de la colère. Et il y a plusieurs étapes. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur vous-même quand vous avez une difficulté ou un deuil par rapport à une personne. J'ai un mot. Il est badass. Et ce qui s'est passé précisément? Ça, je dis merci, Docteur House. J'ai les deux dernières. Voilà, moi, j'ai une dame. Alors oui, alors Alex, pouvez-vous... J'ai la tristesse, la peine, les remords, la colère, le somme et ça va mieux. Alors, oui, oui, je, d'accord, je note. Moi j'ai la compréhension, le pardon, l'acceptation, la tristesse et la colère. C'est pas dans le bon ordre, mais... C'est pas dans le bon ordre. Mais il y en a des bons. Oui, allez-y. La colère. Moi ça me remplit mon portefeuille. J'ai pas compris, mademoiselle. L'irritation. Voilà. Allez-y, mademoiselle, je vous écoute. J'avais juste tristesse et colère. D'accord. Moi, j'ai la peine, la colère, la tristesse, le déni, l'acceptation. Ah, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Les autres, ne copiez pas, s'il vous plaît. Thomas et Cyril, ils auront jamais mis le déni. Le choc, la tristesse. Ah, à quoi ça râle, là ? La peine, la colère. D'accord, la colère, la tristesse, pourquoi ? Héritage, quoi ? Non, monsieur, c'est... Attends, mais ouais, je lui donne pas de points. C'est pas mal, héritage, quand même. Pas héritage, là, non, non. C'est quoi, monsieur, s'il vous plaît ? J'ai mis tristesse, compréhension, mais bon... Oui, bah non, non, non, madame, madame, c'était oui pas... Non, non, mademoiselle. Moi aussi, madame, j'ai mis des bonnes réponses. Et Alex aussi. Et... Non, c'était dans le désordre, non, non, non, non. Et c'était désordre. Et moi, je dis merci... Vous avez pas précisé dans l'ordre. Oh, les étapes, monsieur, quand même, les étapes. Alors, c'est de la psychologie inversée. Je voulais dire, il s'agit du choc, du déni, du refus pour la première étape en général. J'ai mis le déni. Voilà, ça se passe comme ça quand vous avez un choc. Après, la deuxième, c'est la colère. Après, ah oui, le troisième, c'est le marchandage avec la réalité. Non, c'est pas vrai, etc. Ça n'a pas pu se passer comme c'est ça. C'est un peu le seul. C'est invité quand même. Hein. C'est auto, c'est différent. Le 4, c'est la dépression, quand on est vraiment très triste par ce qui est arrivé. Et le 5, c'est l'acceptation et la reconstruction. Ça va mieux, quoi. Niquez vos races. Voilà, c'est pour ça, mademoiselle, que je vous ai donné le point. J'en mérite au moins 3. Mais madame, madame. Alors, on a enterré mon chien et tout, et j'ai juste pleuré. Après, j'ai dit, prends mon goûter, il n'y a pas tout ça. Bah, t'as accepté, t'as eu le déni ça, et t'as eu la tristesse. T'as un rapide, toi. Alors là, c'est une célèbre expérience. On n'a pas fini. Non. C'est la dernière. Hein, je vous laisse après. Parce que je crois que je suis longue. Non, ça va encore, je trouve ça non, va. Non, ça va. Non, je vous ferai une de plus. Alors, non, ça va, ça, je trouve ça va. J'ai cassé l'ardoise. Alors là, c'est une célèbre expérience qui est très intéressante et je vais vous renvoyer vers la vidéo d'ailleurs sur internet. Il faut aller voir ça pour comprendre l'être humain. Là, c'est une expérience très importante pour votre vie. C'est voilà. Sexuel, dame ? Non, pas du tout. Pourquoi ça ne m'intéresse pas alors ? Alors, c'est une expérience. C'est une expérience. Sociale. Oui, sociale, tout à fait. Un mois. C'est une expérience qui a été effectuée après l'expérience des prisonniers de la guerre de Corée, où on avait constaté qu'environ 15% des prisonniers restaient réfractaires à tout lavage. Oui, c'est vrai, j'y étais. À tout lavage de cerveau. Écoutez bien, écoutez bien. T'écoutes pas. Faut passer la machine à laver. Alors, c'est une expérience de psychologie qui a été publiée en 1963 par le psychologue américain Stanley M. Ah, M comme le chanteur ? Non, différemment. Cette expérience évalue le degré. Écoutez, s'il vous plaît. Cette expérience évalue le degré d'obéissance d'un habitant des États-Unis du tout début des années 1960 devant une autorité qu'il juge légitime. Est-ce qu'il y a des ponctuations dans vos phrases ? Et permet d'analyser le processus de soumission à l'autorité. Soumission ? Voilà, domination. Notamment quand elle induit des actions posant des problèmes de conscience au sujet. L'expérience a suscité de nombreux commentaires. Attention, dans l'opinion publique. T'es à la bonne taille. Alors, connaissez-vous cette expérience ? Elle est issue du nom du psychologue. Ouais, c'est la fête. Monsieur M. Bah, cette expérience, oui, elle m'a donné mal au genou. Mais il faut un peu plus développer. Non, vous ne la connaissez pas du tout, mince. J'étais pas du tout dans le niveau, là. Mal au genou. Bien sûr que je la connais. Bien. Encore, on est un peu surdoué, hein, parce que je vois, il y en a, les 3e B, ils sont moins forts que nous. Hein. Alors, il a mis dans des pièces, si vous voulez, les étudiants. Il y avait un expérimentateur avec une blouse blanche faisant office d'autofigure, d'autorité. Vous voyez, un peu comme un médecin. Comme là, moi. Comme le doc. Oui, un peu comme un doc. Comme dans Retour vers le futur. Et il a amené le sujet à infliger des chocs électriques à un autre participant. Ah, c'est comme génial. La lobotomie, ça. Marty. Ah non, c'est forcément un américain. Et on m'a fait ça dans le bras, moi. On m'a foutu des sauf que le participant ne savait pas que l'apprenant était un acteur, à celui qu'on infligeait des chocs électriques. Ah, et les autres réagissaient en fonction. C'était Will Smith. Oui. Voilà. Ah, je vois qu'il y en a un qui connaît. Oh putain, c'était génial. Ça me rassure parce que c'est Oppenheimer. Non, pas du tout. Alors quand même, faut savoir que quand dans cette expérience, donc les participants ne savaient pas que la personne jouait. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com. Allons jusqu'à 450 volts en dépit des plaintes de l'actrice. Ça peut aller jusqu'à la mort ou pas? Tout à fait. Il y avait... si c'est comme la chaise électrique. Si c'est répété et tout à fait. Soutenu. Alors, et dans l'expérience, si vous voulez, au début, celui qui jouait l'acteur se plaignait, arrêtez. Et l'autorité disait à celui qui envoyait les chocs électriques, non, continuez, voilà. Ça, c'est un viol, ça. Et quand il disait... quand on dit arrête, faut arrêter. Voilà, et les plaintes devenaient de plus en plus importantes. Sauf qu'il y en a qui disent arrêtez, mais faut continuer. Le voltage était de plus en plus important. Et donc, l'autorité devait dire non, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre responsabilité. C'est moi qui vous le dis, de le faire. C'est ce qu'ils disent tous. Voilà, alors c'était l'expérience de 1000 grammes. Voilà, c'est pas moi, oh, ça fait beaucoup de kilos quand même, hein. Tout à fait. Un seul 1000 grammes. Ah, c'est un seul. Écoutez, je ne donnerai pas ma dernière question alors parce que ça me semble vraiment trop fort pour vos cerveaux. Donnez-la juste la réponse. On est plus à ça près, hein. C'est vrai que techniquement, on est plus à ça près. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cette expérience de 1000 grammes a choqué l'opinion publique à l'époque? Parce que ça fait du mal aux gens. Parce qu'on autorisait quelqu'un à torturer quelqu'un d'autre, même si au final il torturait personne. On la mettait en condition psychologique comme quoi elle était bourreau, entre guillemets. Oui, tout à fait. Peut-être que les gens ils se mettaient à leur place. Être le bras de qui tue, enfin qui inflige des dégâts, alors qu'au final on obéit juste à des ordres. C'est je une sensation très chelou. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure quand même. Moi, c'était parce que la majorité des participants continuaient malgré les plaintes de celui qui était torturé. Alors c'est ce que j'allais dire. Il faut pas être à l'encontre de celui qui dit stop. Voilà, alors si vous voulez, le comédien, je vous précise un peu comment l'expérience s'est produite. Alors le comédien qui simule la souffrance a reçu les consignes suivantes. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint et à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. À 150 volts, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il lance un cri violent. À 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Donc ça fait mal. Voilà, exactement. Et lorsque l'apprenant ne répond plus, l'expérimentateur indique qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur. Au stade de 150 volts, la majorité des enseignants sujets manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur qui est à leur côté. Exemple, dois-je continuer ? Non. L'expérimentateur était chargé de les rassurer en leur affirmant qu'ils ne sont pas tenus pour responsables des conséquences des chocs envoyés. Ouais. Nam, on a des devoirs pour la semaine prochaine. Non, je crois que votre cerveau est assez disturbé. On se casse. Salut, dame, à jamais. Entrez donc, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. On entre, bonjour. Bonjour, monsieur Boulard. Alors moi, c'est monsieur le principal. Raté, c'est pas Boulard. Bien. Bah, monsieur le principal, alors... Alors là, je viens vous ai convoqué. Voir... Ah non, c'est vous qui nous avez convoqué. Alors, pour monsieur Roberto, vous allez vous calmer tout de suite. Bon, d'accord. Que viens-je d'apprendre? Je sais pas, qu'est-ce que vous venez d'apprendre? À 2 plus 2, 4. Vous étiez avec... Bah, nous aussi, on vient d'apprendre. C'est vrai qu'on apprend beaucoup, quand même. Je vous cache pas, monsieur, qu'on apprend beaucoup en ce moment. Madame Adèle Auger... Et monsieur Roberto Carlos, la CPE vous a surprise dans la cour. Oui. Testée apparemment, je cite, les expériences sexuelles apprises en prévention. Moi, que j'ai vu, ce que la CPE a vu, ce sont deux ados dénudés faisant des gestes obscènes aux yeux de tous. J'attends votre explication sur cette scène. Alors, gestes obscènes. Je ne dirais pas jusque-là gestes obscènes, monsieur, je dirais des gestes de la nature. Parce que c'est ce que nous avons appris dans ces cours. Alors, c'est je ne vous permets pas, s'il vous plaît, de dénaturer justement mes propos quand je dis la nature. Obscène, on j'entends. Va vous expliquer. Obscène, je dis obscène. Et je vous explique, Thomas, vous savez le petit gros là, pas beau là. Je vois très bien. Qui Thomas. Nous fait chier tout le temps. Oui. Et eh ben en fait, on nous a dit que les maladies étaient sexuellement transmissibles. Très bien. Et en fait, Teddy. Roberto. On a voulu essayer de voir en fait si on pouvait transmettre ça à une banane. qu'on avait chopé en cours justement d'éducation sexuelle. J'ai entendu. Je l'ai mis dans un trou d'Adèle, parce qu'elle a plusieurs trous en plus, vous savez pas. Hein. Mais je l'ai mis dans un trou pour essayer de mettre la maladie. Mal, l'oreille, ça passe pas. Oui. S'il vous plaît, nous sommes bien donc face à un geste de. J'enlève mes vêtements au milieu de la cour pour faire rire mes petits camarades. Non, rien à voir. Ce n'était pas pour faire rire. C'était pour punir, monsieur. Parce pour que, punir, c'est-à-dire. Eh ben, on voulait voir. En fait, c'est punir, c'est pas le bon terme. C'est plus apprendre. En fait, si vous voulez, après, si on aurait vu que moi j'aurais été. Faute de français inexcusable, mademoiselle. Si on aurait vu. On voulait mettre la banane dans quelqu'un d'autre après. En fait, du coup, on voulait transmettre Thomas, la banane. Thomas devait à son cours de sport tout à l'heure faire tomber la savonnette. Moi, j'hésite entre l'exclusion définitive ou le. Mais monsieur, c'était pour voir si elle avait des MST. Je faisais un dépistage. Non, mais vous avez des arguments, monsieur Roberto Carlos. Là, on ne vous enlèvera pas ça de la bouche. Hein. Ah, merci. Ça, c'est évident. C'était un but de prévention. Mais cela ne justifie pas vos actes, monsieur. Moi, j'ai bien aimé la bouche. Alors là, c'est vrai qu'elle a bien aimé la bouche. Moi aussi, je suis dans l'obscénité. Vous êtes collé 42 heures mercredi prochain. Moi aussi. Mais vous aussi, monsieur Roberto. Mais monsieur, c'est de la prévention. C'est pas la peine, t'es déjà collé entre mes jambes. C'est vrai. Bon, allez, dégagez de mon bureau, s'il vous plaît, je ne veux plus vous voir. Ça sera notifié au conseil de classe. J'ai vu un coin dans le couloir. Dégagez. Merci, monsieur. L'autre jour, la prof de français me dit : je suis belle, c'est à quel temps, Dylan ? Au passé, madame. C'est au passé. Allez, faut que je retourne en cours, moi. Tchuss et bonne bourre. Tchuss ! Moins un point pour Rachel. Pourquoi ? Ça fait deux fois que je lui dis qu'il faut qu'elle me laisse le temps de désannoncer avant le jingle. Ah, t'as pas désannoncé la musique. Bah, moins un point pour non, Rachel. Mais, ouais. Pas non. Non, c'est moins un point pour Anaïs, mais elle est pas dans le game. Ah, mais c'est du coup, dans le game. Vous avez tous reconnu cette musique. Ouais, c'était Marie Digby. Oui. Une des amies d'Anna Free. Bien c'est sûr. Ce que j'allais dire. Qui vit à Los Angeles, à LA, comme LA. On dit dans le milieu, ouais. Personne ne sait. Elle nous invite pas à LA. Si, on dit à LA. Elle nous invite pas à LA. Elle est trop radine. Bah, c'est une amie d'Anna Free. Ah, Anna Free vit maintenant à Miami. Elle a déménagé. C'est pas, c'est à l'extrême. Tu connais bien Anna Free. Bien sûr que je la connais bien. Il la stalk. Exactement. Elle a porté plainte contre harcèlement. Oui, c'est ça, c'est ça, ça fait des années. Non, non, mais vous vous connaissez bien ou pas ? Non, on se connaît pas bien, d'accord. On s'est déjà vu, mais. D'accord. Non, lui, il l'a déjà vu. Non, mais il croit trop que c'est sa pote. Oh, c'est vu une fois. Ouais, on a parlé, t'as vu, j'ai envoyé des trucs pour son anniv et tout. Bref. Mais t'as répondu au moins ? Oui, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on peut tous lui envoyer une photo de nous à poil ? Alors, je suis pas sûr qu'elle va kiffer. Pour nounours. Pas sûr, pas sûr. La classe, c'est pas jusqu'à 21h, c'est jusqu'à beaucoup plus tard. 22h. On l'avait dit. On avait dit avant 23h. Désolé, vous n'avez pas vous couché très tôt ce soir. Mais non, mais vous kiffez être avec nous sur Twitch, en podcast également, sur toutes les plateformes internet si vous voulez réécouter cette émission. Et puis en direct, évidemment, sur indestar.fr, avec encore quelques cours à suivre avant le fameux conseil de classe. Et puis là, on vous a laissé le meilleur pour la fin. Ah, le gratin dauphinois. N'est-ce pas Antoine ? Ça se mange avec. Tu connais le mec qui va nous proposer le cours ? Oui. C'est un cours de quoi ? Alors c'est d'histoire, mais je crois l'histoire qu'on va. D'histoire de l'agriculture. De l'agriculture, très bien. Oh, mais on aurait pu avoir. Je m'y connais pas du tout. Dans ton cul, hein. On aurait pu avoir Philibert qui venait. Ah ouais, on aurait pu. Et là, faut qu'on aille, je crois, en salle 122. Ah, moi, je prends l'ascenseur, moi. Tout non, t'as pas le droit. Tout ton père, il est pas, il a pas le bras. Il est pas ascensoriste. Il est ascensoriste. Oui. Ah ouais. Moi, c'est autiste. Toi, t'es autiste. Ouais. Ah bah, ça m'étonne. Non, c'est il est autiste. C'est les ascenseurs. Allez, entrez. Bonjour, monsieur. Vous êtes le dernier cours. Et la petite là-bas va se calmer direct. Elle a déjà un conseil de discipline avec Madame Descartes. Elle est limite l'exclusion, alors monsieur, soyez gentil avec elle. Je peux m'asseoir devant pour mieux suivre votre cours. Non, les c'est moi. Je peux m'asseoir à côté d'Alex pour qu'il me donne les réponses de votre cours. Je peux m'asseoir à côté parce qu'il y a le radiateur. Allez, monsieur, s'asseoir sur moi. On peut ouvrir la fenêtre, j'ai trop chaud. Est-ce que je peux m'asseoir sur Roberto ? J'ai quelque chose à finir. Est-ce que je peux garder mon. Allez, on se calme. Monsieur, c'est quoi la matière, s'il vous plaît ? On va faire l'histoire de l'agriculture. C'est quoi ? Bah, l'histoire. C'est les champs. C'est l'histoire d'agriculture. L'histoire des champs. Ah, c'est l'histoire des champs. Ouais, Didier, c'est Didier. Ah, c'est l'histoire du foot. Labour et moi. Rudé. Alors déjà, je peux m'en occuper, si tu. Mais il a commencé, fini. Oui. T'es en jachère. Ah, déjà. C'est quoi déjà? Non, s'il a continué, elle est pas en jachère. Hein. Mais monsieur! Allez, taisez-vous maintenant! Autorisez-vous! En jachère, c'est en attente. C'est quand vous semez pas, elle est en attente en pause. T'es en friche. Vous avez entendu? Il est rouge! Ah, pardon, il va s'énerver. Ok. On est c'est pas les Power Rangers d'habitude? Ah, c'est pas Jarry qui descend dans un skate? Les forces rouges! Allez, taisez-vous! Monsieur, je comprends rien à votre cours, il parle trop, les autres. Oui, ils vont tous se prendre une heure d'école. Je peux garder mon manteau? Et je me rends. Bah, monsieur, je vais dire ça à monsieur Boulard. Hein, que vous parlez super mal. Non, parle pas de lui, monsieur Boulard, je l'aime pas. Bon. Il ressemble trop à mon maire de mon village. Déjà, on va revenir au commencement. Au début, monsieur. Bonjour. Oui, au début. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux me mettre sur un Au Moyen-Âge? Mais l'humanité, bande de couillons. Quoi? À la préhistoire. À la préhistoire. Ouais. Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Moi aussi, j'ai préhistoire. Toi, tu dates de la préhistoire. C'est pas à l'Antiquité. Non, ça fait avant l'histoire. Ah, putain, j'ai pissé. À l'Antiquité? Bon, déjà, c'est antique. À l'origine, on cultivait pas. Ah non, on était chasseurs. Oui, et on dessinait sur les murs des cavernes. On était chasseurs-cueilleurs. Et on cueillait un chasseur chassé sans son marguerite. Des mammouths, monsieur. Des marrons. Après, des sangliers. Après, c'est bon, les marrons. Chasseurs-cueilleurs. On cultivait pas encore. On cueillait directement les arbres. Cerises. De Groupama. Mais à votre avis. On cueillait les ananas. Non, moi je cueillais le sexe de mon mari. À votre avis. T'as un mari, toi, genre. Vous avez et lui, il a cultivé des chiffres. T'as trop drillé. Vous allez me noter sur la doise. Oui. À votre avis, quand a été créée l'agriculture? Oh, bah c'est il y a longtemps. Non, mais vous avez dit la... En 1515. Il y a 10 000 ans, 100 000 ans ou 1 million d'années. Il y a 1 million d'années, pardon. Vous pouvez redire, monsieur, s'il vous plaît. 10 000, 100 000 ou 1 million, elle a dit. Il. Toi, le petit faillot, toi, te prends une note. Mais non, j'ai réagi. Mais moi, je vais rapporter ça à monsieur Boulard, votre. Monsieur, j'ai pas entendu les réponses, je suis sourd d'une oreille. 10 000, 100 000, 1 000. Ah, ben, où c'est? 10 000, 100 000 ou 1 million. Et 1 million. Ah, il suit pas celui-là. Non, trop pas. Il s'est marqué là-bas. Il a dit que d'abord, on était cueilleurs. 1 milliard. C'était 1 million. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, c'est 100 000. J'ai marqué 100 000. C'était 10 000 ans. Ah bah, trop. J'ai raison. J'ai raison. Ouais, moi aussi. C'est laquelle? Toi, t'as tort. La A. C'était la A. Il suit pas, monsieur Roberto. Non, mais en même temps, il note les scores. Et à votre avis? Bah, c'est son problème. À votre avis, où est-ce qu'a été découvert les premières traces? En Pologne. Petit A, Chine. Oh. Petit B, Europe. Je comprends. Faut parler plus fort, monsieur. On n'entend pas la Chine. Où a-t-on trouvé les premières traces de l'agriculture? En Chine, Europe ou Afrique? Je pense que c'est plus... ouais, je dirais genre... J'ai mis l'Afrique. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le berceau de l'humanité. J'ai envie de danser comme toi. Na la la la la ta voix. Moi j'ai mis l'Afrique. Afrique. Et bah c'était en Chine. Oh, j'ai raison. Oh. L'Afrique aussi, hein. Je crois que les Africains y cultivaient. Hein. J'ai raison. Non, le prof il a tort. Hein. Oui, il a tort. Ouais. Parce qu'il a dit quoi le prof? C'est la A, c'est la Chine. Il a dit la Chine. Et j'ai raison. C'était sous la mer la Chine. Ça existait même pas la mer. Il y a 10 000 ans, je crois pas. Bah, c'est grâce à l'eau que ça a poussé. Merde. Mais t'as pas dit ta blague dans le micro. C'est comme la région Tourangelle, avant c'était sous l'eau. Vous saviez ça? Oui. Ouais. Et mon père aussi, il était sous l'eau un peu. Ah ouais? Sous l'eau, avec l'alcool et tout. Au 19e siècle. Ouais, c'est il y a longtemps ça. Ouais, je l'ai dit la Chine. Que toi? Bah, voilà. 20% de l'humanité était encore. À votre avis, c'était quoi? Paysans. T'es encore? Ah, ils étaient encore quoi? Encore vieux parce que 19e. Bah, ils étaient vieux. Bah, ils étaient paysans. Je crois que je l'ai dit déjà tout à l'heure. J'ai pas compris la question. Agriculteur. En 19e siècle, il y a 20% de l'humanité qui était encore quelque chose. 20% quoi? Avant d'être. Cultivateur. Cultiver. Amil l'a dit. Cultivation. J'ai dit chasseur-cueilleur en tout premier, mais même pas personne m'a écouté. Mais pas du tout. Il y a 20% de la population au 19e siècle qui était cueilleur. Chasseur-cueilleur. Au 19e siècle. Mais j'ai dit chasseur. En 1800. Parce qu'il était encore, parce que 92% étaient déjà agriculteurs. Ouais. Chez. Bah, les autres, ils étaient quoi? Rien. Bah, 80 et 20, ça fait 100. Bah, oui, c'est ça, les autres, non, ils n'avaient pas de métier. Il n'y avait pas d'artistes. Il y avait les nobles à l'époque et les rois. Ouais. Non, il n'y avait pas d'artistes. Au 19e siècle. En quel siècle a eu lieu La première mécanisation. Première guerre mondiale, 19e siècle. Et vous pourrez répéter la question, s'il vous plaît? Il est dedans. Il est dans la question. La question. En quel siècle a eu lieu la première mécanisation dans l'agriculture? C'est facile. Il a dit la réponse. C'est le 19e siècle. Après, ils nous a tous niqué, ça ne fait pas du tout ça. Hein, c'est le 19e siècle. Mais bah, il dit quoi, les tourtereaux là-bas? C'est facile. Hein. Ah, trop tard, ils n'ont pas répondu. Hein. Mais il a dit la réponse. C'est avec toutes les machines à charbon, la locomotive. La révolution industrielle. La révolution industrielle. Non. La révolution, non. Pas française, elle est en 1789. Bah, mais pour pouvoir cultiver et faire. Il faut de l'eau. Améliorer la culture. Non. Il faut irriguer. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà pour 2 ans? Bah, mettre de l'engrais. Voilà. Oui. Mais c'est pas un point. Ah non, c'est pas un point. Mais à votre avis? On peut. Mais est-ce que. L'engrais, mais... ça a été créé quand? Au 18e siècle. En 1910 ou en 1900. Moi, je dis que c'est en. Ta question est erronée. Moi, je dis que c'est au 20e siècle. On écrit sur les murs le nom de ceux qui veulent. On écrit. C'était quoi les propositions déjà? 1900, 1910, 1920. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez, monsieur, quel type d'engrais. Parce que le fumier, je pense que ça a été inventé bien avant. Hein. Largement avant. Hein, ouais. Parce que dans Retour vers le futur, déjà, il y a du fumier. L'engrais non naturel. Ah, chimique. Chimique, c'est voilà. Mieux, monsieur, je préfère. Je pense. Tenez-vous à carreau, monsieur. Et donc, c'est quoi la réponse? Oui. Je cherche. Je sais pas. C'est pas du coup. Ah, le prof, il sait même pas. C'était alors, c'est quoi la réponse? 1910. Oh. J'ai raison! J'ai raison! Et faut savoir qu'il y a certaines. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont utilisé des matières qui servaient déjà d'engrais. Oui? Bon, je vois que tout le monde m'écoute. Mais oui, bah. Ça fait plaisir. Non, mais c'est parce qu'on était en déduction. Ce qu'on met dans les fusils? Genre le gaz moutarde. Ah oui? A été créé à base de produits d'engrais. Ça monte à la tête. C'est quoi le gaz moutarde? C'est du gaz et de la moutarde. C'est un truc qu'on utilisait pendant la première ou seconde, je sais plus. Première. La seconde, c'était pas pour mettre dans ton sandwich. Mais pourquoi moutarde? Moi, je sais pas. Parce que c'était fait avec des graines. Ouais, non, c'était avec des graines de moutarde. Il y avait des graines dedans. Des graines de Dijon. Et pour faire le gaz, ils ont utilisé des trucs qu'on utilise pour l'engrais. D'accord. Et c'est pas faux parce que ça pique les yeux. Bah, c'est fort. Ouais. Au chocolat. Comme la moutarde. Après quelle guerre l'agriculture est devenue plus progressive? Bon, bah, c'est facile. Progressive. La première, la seconde ou la guerre? Après la guerre de l'agriculture. C'est intensif, c'est devenu intensif, industrialisé. Après quelle guerre? C'est la guerre du Golfe. C'est parce qu'ils jouaient beaucoup au Golfe. C'était quoi la troisième? La deuxième guerre mondiale. Ouais, moi j'ai mis la deuxième guerre mondiale. C'était la deuxième guerre mondiale. Bah, oui. Pourquoi il y a C là-bas? C'est pourquoi il y a réponse C alors qu'il n'y a pas de troisième guerre? Non, mais il y a la guerre du Vietnam, entre autres. Ah, à la guerre. Ouais, parce qu'il y avait vraiment une C. On s'en fiche, j'ai un point. Moi aussi. Il y a qui a pas un point en fait, du coup là-bas parce que Sarah. Sarah accroche. Alors, Sarah, elle va finir très mal. On va revenir un peu plus à notre époque. En 2013, combien de pourcentage de terre était cultivée en Europe? Beaucoup. Non, pas trop, hein. 2013, pas trop. Hein. Ah, moins qu'en 2022. 37,5% des terres. 37,6% des terres ou 37,7% des terres? Oh, pardon. On s'est pas foulé là, monsieur. Hein. Allez, soyons. On a le droit d'arrondir. Ça marche ou pas? 0,02 de. À 1 pourcentage près. Putain, mais j'ai un stylo qui fonctionne pas là. Elle est vulgaire. J'ai mis 37,6 parce que 37,7 c'est la température corporelle du corps. Dans ton cul? Ouais. Vous savez quoi? Je vais suivre Alex. 37,6. Moi j'ai mis 37. Parce et que moi, la réponse du moi, milieu. Moi je vais vous suivre à 0,1% près. Moi j'ai mis 37,2. Et bah c'était 37,7. Oh, c'est comme le corps. Putain, espèce de con. Hein. J'ai pas. Vous allez pas me suivre. Hein. C'est nul. Hein. Et vous n'auriez pas su faire plus large. Nul, hein. J'ai deux petites questions bonus si vous voulez. Ah, est-ce que pour écrire sur l'ardoise on dit directement de... C'est plus dur que la preuve de psycho. On dit la réponse directement. C'est pour dire. Pas quand même. On dit la réponse directement. Vous allez me l'écrire sur l'ardoise. D'accord. Encore? J'ai pas d'ardoise, monsieur. Allez, à 10 ans près, je vous l'accorde. Okay. Alors tout à l'heure c'était à 0,1%. Là, il est sévère le prof. À partir de quand on a commencé à privilégier l'agriculture bio? Oh oui. Personne privilégie ça, c'est toujours pas privilégié. J'ai la réponse. D'accord, bah j'écris comme toi alors. T'es pas obligé. Hein. Non, j'ai promis sur la tête de ma mère, j'ai pas copié. Lisez votre truc parce que j'arrive pas à lire. 2010 1998 98 Coupe du 1970 monde. Si. À 10 ans près, t'es sûr? À 10 ans près, hein. Non. Quoi? Non. Et... 70. De toutes les manières, votre question elle est fausse parce que personne. La planète ne privilégie pas le bio. Non, c'est et sûr. Non, c'était. 1981. Oui, mais trop pas. Monsieur, je suis la si. Plus proche quand même, je peux avoir un point. Et c'est par non, rapport à la vache folle et ouais. Tout ça où les gens ils ont commencé à s'intéresser au bio. Après, ouais, avant, c'était balèque. Hein. Ils en parlaient avant, mais ils l'ont pas fait. C'est pas moi, ça. J'aime les. Vous avez pas dit ils ont commencé à en parler, vous avez dit ils ont privilégié. Et c'est vers le 2010. Hein. Non, vers 2000 plutôt. Hein. On l'a toujours pas privilégié. C'est 10 ans plus. J'avais 10 ans près, donc ferme ta gueule. C'est trop pas 80. Calmez-vous, on mange toujours pas bio en majorité, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Un petit peu de mécanique. C'est l'industrie qui est privilégiée pour le moment. Un petit peu de mécanique, elle est à 30 ans près, je l'accorde. Et ben moi ça marche hein, du coup. On peut dire à 100 ans. Ah mais non, celle-là. Moi je suis la plus proche, alors j'ai 3 points. Le tout premier tracteur à chenille. Qui a été inventé par le russe. Non, c'est Citroën qui a inventé. Fyodor Livnov a été écrit quand? A été écrit? Quand? Quelle année? Mais du coup, si c'est à chenille, ça donne de l'urticaire. Et c'est tout le premier tracteur. Personne n'a compris ma blague? Si, un peu. Si, mais elle était nulle. Alex, t'as écrit quoi? Ok. Moi j'ai mis 1917. 1890? Ah, j'ai mis 1850. Mais non. Bah, il faut essayer. Il n'y avait pas de. Non. Un an près. Quoi? Quoi? Alors, non. Bah, 1900. 1860, j'ai mis. Toi, t'es acceptable. Ah, j'ai un point. Non, je suis goût, t'es pas acceptable. Comment ça, j'ai pas accepté? T'es quand même, t'as accepté. Ah. Et moi, monsieur? Toi, c'est bon. Et ils ont mis combien? 1900. Mais comment ça peut être bon alors? Bah dis-nous que c'est quoi comme date? C'est quoi? 1881. Ah, c'était pas loin, j'ai 1917. Comment c'est pas acceptable? Ah, oui, et tout en 81. Et bah c'est bon, j'ai mis 1917. Le bio et le tracteur, c'est en 81. Bah oui, moi, je suis à 31 près. Moi, j'ai un point. C'est dommage. J'ai un point. Non, là, je suis dégoûté. Moi, je dis non. Il t'a là un point. De 17 à 81? Il a dit non. À 30 ans près. Ouais. Mais vous avez vu, et j'ai fait une remarque 17, hein. Qui me doit un point. J'ai pas compris. C'est tout en 81. Bah 0,5 points. Merci. Ah non, ça fait plus en fait. Oui, ça fait plus. Ça fait plus. J'essayais de l'embrouiller, mais toi tu me casses mon truc. J'ai pas compris. J'ai 0,5 points en plus. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi c'est bon. Définis vos cours. Monsieur, je peux partir de votre cours? Merci monsieur. T'as un bon timing, Roberto. Et on s'en a l'âme. Ouais. Ah là là, elle était dure, cette... Oh, franchement... J'ai pas envie de faire pousser des navets. J'ai dit que j'allais détester ce... Prof. Ce cours. Les deux. Je l'ai plutôt bien aimé. Ah ouais. Mais ça te dit pas, genre, pour décompresser, on se fait un petit jeu. Ah ouais, je fais bien, un ouais, aussi. T'enlèves combien de vêtements? Je te propose... C'est nul. Par exemple, je te donne un mot et tu dois me trouver le chanteur ou la chanson. Joule. Partante? Ouais, vas-y. Alors, je te propose le mot perfect. Perfect, attends, je cherche. Ah, c'est pas Ed Sheeran, ça? Ah, je suis dégoûtée. Hein? C'est Ed Sheeran, hein. Mais je pensais que t'allais dire autre chose. On m'a appelé? En fait, moi, je pense... Non. Moi, je pensais plutôt genre à Perfect Place, un remix de Ibel. Ah ouais? Tu veux peut-être que je te la fasse écouter? Ah oui, parce que je connais pas. C'est vrai? Ouais. Ah bah écoute-moi ça. La classe, c'est sur Indestar jusqu'à 21h. Comment on fait trop d'heures sup ce soir? Amusez! Grave les heures sup parce qu'il est au-delà de 21h. Chut. Dans la vie, c'est important. Ouais. De rester marrant. De toujours rester content. Ah merde, content. Tu t'es planté. Dans la vie, c'est important. De toujours rester souriant. Ouais. Dans la vie, c'est important. Ouais. Rester content. Dans la vie, c'est important. C'est important. Dans la vie, de fermer ta gueule. De toujours rester souriant. On aime les YOLO Music sur Indestar. On aime parce qu'on est dans la classe comme chaque mercredi de début de mois. Oui. Ouais, oui. T'as non, cru, hein. Non, oui. Non, oui. T'as cru. Oui, YOLO. Ce oui, mois-ci, c'est Noël. Mais avant Noël, il y a un conseil de classe. Et je pense que certains élèves de cette classe de 3Q vont pas avoir de beaux cadeaux de Noël. Oui, mais avant le conseil de classe, on a autre chose à faire. Oui, parce que tout à l'heure, il me semble, en début d'émission d'ailleurs, si vous avez raté le Monsieur début. Monsieur Rouleau. Vous pouvez aller réécouter les podcasts. Que Monsieur Rouleau, prof de d'art plastique, nous a donné des devoirs à faire. Il est chiant celui-là. Un peu, c'est vrai. Donc, sachant que la note, ça sera une moyenne des deux notes que vous avez reçues en art plastique qui fera une moyenne. Hein. On est d'accord, monsieur. Ouais, en fait, ça compte comme une note à part, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça compte dans le non, pas comme une note à part. Non, non. Si. Tu fais la moyenne des deux notes. Non, non, rien à foutre. Mais non, tu fais la moyenne des deux notes. Mais non, après c'est trop compliqué à calculer. Mais non, ça fait non, suffit de faire la moyenne parce que sinon moi je vais être nettement défavorisé si vous avez deux notes en plus de moi. T'imagines? Bah non, parce que je divise par le nombre de notes que t'as eu. Si t'as eu 6 contrôles. Ah, bah je te divise par 6. Ah d'accord, ça marche. Ça change rien. D'accord. Enfin moi je parle pas pour moi, je parle pour Alex. Ne sous-estime pas mes calculs. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors donc on va aller revoir Monsieur Rouleau, voir ce que vous avez obtenu. Et sachez que les dessins des élèves de 3Q seront disponibles bientôt sur les réseaux sociaux d'Indestar. Comme ça vous allez pouvoir comparer les talents et vous allez pouvoir dire si vous êtes d'accord avec Monsieur Rouleau et sa notation. C'est parti. Je suis pas d'accord moi. Alors, je vous en prie, entrez. Merci. Entrez. Alors, merci. J'ai corrigé vos œuvres, vos dessins, dirons-nous. Nos chefs-d'œuvre. Non, ouais, j'irai pas jusque-là. Commençons par mademoiselle Adèle. Adèle. Adèle. Oui. Oui. Adèle, je vous ai mis un 11. On reconnaît les lunettes, on reconnaît la moustache, on reconnaît certains aspects, notamment la pomme d'Adam. Oui, bah, je tiens à dire que la pomme d'Adam, vous l'avez demandé et personne ne l'a fait, il n'y a que moi. Je l'ai mis. Non, mais c'était plutôt bien réussi de ce côté-là. Par contre, dans l'expression du visage, dans, je sais pas, l'artistique, on peut pas dire que vous soyez foulé la cheville. Et la prochaine fois, je me ferai pas chier à faire un dessin. Ça fait 11, c'est pas trop mal. Elle s'est foulée la main. Mais 11, c'est la moyenne, hein. Ben oui, c'est plus que la moyenne, hein, figurez-vous. Alors, on continue. Nous avons Monsieur Roberto. Oui. Monsieur Roberto, alors, il n'y a pas... J'arrive mal à voir la ressemblance avec moi. Cela dit, il y a du style. C'est trop beau sur papier. Il y a du style. Merci, monsieur. Il y a du toucher, il y a du tracé, il y a de l'ombrage. Ah, ça, pour toucher, je touche. Hein, demandez à Adèle. Ça fait 12. Pour moi, ça fait 12. Oh, merci, monsieur. Voilà. Ensuite, continuons avec Monsieur Cyril. Alors, Monsieur Cyril, vous avez fait quelque chose d'assez artistique, je dois dire. Vous avez choisi de travailler sur ardoise, c'est original. Vous n'êtes pas le seul à avoir travaillé sur ardoise. Bon, on dirait Jeffrey Dahmer. Alors, on ne dirait pas moi, mais pour le côté artistique, je vous ai mis 12 également. Vous dites tout le temps Dahmer, c'est qui celui-là? Je ne sais pas, c'est une série Netflix. Hein? Alors, Ida, puisqu'on parle de vous. Monsieur, je vous ai demandé d'être indulgent parce que j'ai fait 100 modèles, moi. Ah, ça, c'est pas mon problème. Alors, Ida... Il y a un long cou, il y a des lunettes qui sont très hautes, j'ai le crâne un peu dégarni, ça me ressemble pas du tout. Je suis daltonienne, monsieur. Ah, je vous ai mis 6, hein, je suis désolé, mais va falloir faire mieux la prochaine fois. Hein. Ensuite, c'est monsieur Thomas. Il est où, monsieur Thomas? Il est là. Oui, monsieur Thomas. Alors, monsieur Thomas, tout a été relevé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les yeux sont en haut de la tête, la bouche est au milieu du visage, au terme de proportion, on n'est pas bon. Hein. On reconnaît la moustache, cela dit, on reconnaît les cheveux, pour ça, je vous mets 8. Voilà. Ouais, j'aurais pu avoir mieux. Oui, vous auriez pu avoir mieux en travaillant mieux, c'est ça, c'est le principe. Sarah. Oui. Alors Sarah, on dirait que j'ai une choucroute sur la tête, entre clairement. On reconnaît les lunettes, bien qu'elles soient très éloignées, les yeux sont très éloignés les uns des autres. Un filtre. C'est pour ça. On dirait que j'ai deux nez également. Il est daltonien du cerveau, monsieur. La moustache qui n'est pas sur la bouche, mais il y a de l'idée. Il y a un truc, quoi. Je vous ai mis 10. J'étais gentil, je vois. J'aurais pu mettre moins. Enfin, alors attendez, j'en ai plus qu'un dernier. Ah oui, Jeanne, comment elle s'appelle? Rachel. Alors Rachel, Rachel, j'aime bien. Rachel, il y a du style. On reconnaît. Alors, j'ai l'air joyeux. Vous l'étiez sur la photo. C'est vrai, j'étais très joyeux sur la photo. On retrouve la pomme d'Adam. Mais là, il y a un vrai toucher. Je vous ai mis 14. Merci monsieur. Ah oui, non, c'est vraiment, c'est pas mal. Hein. Voilà, sur ce, je vais demander de rejoindre tout simplement la cour et je crois que vous avez les délégués au conseil de classe ce soir. Exactement. Voilà, vous allez savoir à quelle sauce vous allez prendre. Oui. Je vous dis bonsoir. Bon, alors maintenant ça ne rigole pas. Là, on est dans la merde. On est en conseil de classe, donc les délégués vont rejoindre les profs au conseil de classe. C'est parti. Allez, venez les amis, on va faire. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes assis convenablement. Oui. Les délégués de classe sont bien là. Les professeurs aussi. Bon, alors si nous sommes tous réunis ce soir, c'est à la mémoire du premier trimestre des 3Q. Adé Logé. Oui. Roberto Carlos. Oui. Alexandrie. Rachel la voisine. Tomate Oignon. Oui. Idalaï Lama. Oui. Cyrillic. Oui. Sarajevo. Il okay. est décédé, monsieur, parce que vous avez dit enterré. J'ai parlé. Non, j'en peux. Monsieur Carlos et mademoiselle la voisine, vous en êtes les représentants en tant que délégués de classe. Exactement, monsieur. Rachel. Oui. Oui. Pouvez-vous énoncer, s'il vous plaît, les moyennes de français de chacun et Madame Descartes. Après, on attendra vos commentaires. Je vais commencer. Alors, vous voulez quelle matière, monsieur? Le français, s'il vous plaît, Madame. Le français. Roberto. Alors, on va commencer par l'art plastique. Alors, non, je français. Elle avait une flemmingite aiguë. On vous passe de commentaires. Non, j'ai eu mes règles et j'avais super mal au ventre. On vous passe de commentaires. En dernière position, nous avons eu Adèle et Cyril qui ont eu 10 de moyenne en français. C'est vraiment des noobs. Mais en même temps, Cyril, il vient pas de France. On passe de commentaires. Il vient de Macédoine, il mange que de la merde. Exactement, quoi, donc on s'abstiendra de tout. Oui. Commentaires. Oh, elle est trop bonne, monsieur. Je peux avoir un point? Non. Nous avons Alex et Sarah qui ont eu 12,5. C'est beauf. Nous avons Thomas qui a eu 15, mais c'est peut-être sa meilleure moyenne. Hein. Ah non, peut-être pas. Non, j'ai rien dit, mais c'est une de ses meilleures. Thomas en français, 15. Et nous avons bien sûr, évidemment, moi, monsieur Eida, on a eu 20 quand même en français. Vous avez eu 20 en français? Ouais, j'aurais jamais cru, monsieur. Non, bah moi non plus. Ouais, c'est clair. qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? J'ai perdu votre mademoiselle Descartes. Oui. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette moyenne? Et bah, dans l'ensemble, on va dire que c'est plutôt pas mal. On passe à la suivante. Je n'ai pas fini. Autant pour moi, mademoiselle Descartes. Je veux féliciter quand même Roberto et Ida quand même. Merci, madame, etc. Bon, Cyril, on n'en parle pas. Adèle, c'est pareil. Conseil de discipline pour Adèle. Comportement inacceptable, mais vraiment en classe. Mm-hmm. Et encore, vous n'avez pas vu dans la cour. Je n'accepterai pas ça. Bah, si, j'ai eu vent de cette histoire. Et voilà, vous pouvez passer au reste. Très bien, mademoiselle. Nous allons passer à l'histoire avec monsieur Buisson. Il était chiant, lui. Monsieur Roberto, s'il vous plaît, la moutarde me monte au nez. Oui, bah justement, il nous a parlé de gaz moutarde, monsieur. Il a dit qu'il en fabriquerait. Très bien. Alors, allons-y pour les moyennes, s'il très vous plaît. Bien. Sarah, elle a eu 3. Ah, c'est noob. Mais Cyril, il vaut pas mieux, hein. Il a eu 5,5, c'est nul. Nous avons Ida qui a eu 8,5, c'est toujours en dessous de la moyenne. Hein. Nous avons Adèle et Roberto, c'est moi, on a eu 11,5. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça se défend. Alex 14 et Rachel 17, mais 11,5, c'est bien. Oui. Monsieur Buisson, est-ce que vous désirez rajouter un commentaire? Il est ardent. Alors la classe était vraiment insupportable. D'accord, j'ai eu vent justement de l'insupportabilité de cette classe. Arrêtez d'avoir des vents. C'est ce que j'ai rajouté. D'accord, très bien. Passons mademoiselle Chibre, madame Chibre, pardon. Vous êtes intervenue en tant que pour la prévention sexuelle auprès de nos élèves de 3Q. Est-ce qu'on peut avoir les moyennes déjà? Oh oui, alors... comment vous dire, qu'est-ce qu'on est bon. Monsieur, vous allez être étonné. On a quasiment tous 20. Effectivement, je suis étonné. On a quasiment tous 17,5. Okay. Sauf deux qu'on 20. Rachel et Thomas, ils ont 20. Roberto, Alexida et Cyril, on a eu 17,5. Hein. C'est tout à fait honorable. Sarah, t'as eu 15. Je vois que vous Sarah, êtes plus... vous êtes plus intéressé par les matières qui touchent à la sexualité que à l'histoire ou au français. Eh oui. Bon. Que dire de plus, monsieur ? Peut-être que nous allons laisser Madame Chibre intervenir. J'adore quand on intervient. Ouais. Moi aussi, madame. Elle a kiffé. On se voit toujours après ? C'est toujours bien. passons à la PSE avec monsieur Bacille. Oui. Alors, cette classe, c'est. Peut-être nous allons laisser monsieur Roberto Carlo. Ouais, vas-y, Roberto, parce que franchement, je. Il n'y avait pas la fin de la phrase. Oui, bon, franchement, 7-5 pour ça. Sarah. Ah non, t'es pas dernière. Non, il y a Cyril. T'as eu 5, t'es nul. du coup, après Sarah, 7-5. Thomas, 10. Rachel, 12-5. Il n'y a pas un seul qui a eu la même note. Ah si, Alex et Thomas, ils ont eu 10. Ida qui a eu 17-5. Et Adèle. Et elle a eu 20. Adèle a eu 20 en PSE, ouais. Et bah bravo Adèle. Et je sais pas comment elle a fait, mais. Elle est bonne. il faut croire. C'est ce que j'aurais dit. C'est pour ça. Monsieur Bacille, vous voulez rajouter un commentaire ? Ouais. D'accord, très bien, monsieur Bacille. nous allons passer à l'art plastique avec monsieur Rouleau. Il y avait deux éléments de notation. Est-ce qu'on peut avoir les notes pour chaque note ? Bien sûr. Alors, Rachel a eu 6 en art plastique et 14 pour le portrait. Adèle a eu 14,3 pour l'art plastique, 11 pour le portrait. Thomas, 11,5 pour l'art plastique, 8 pour le portrait. T'es une merde, Thomas. Moi, j'ai eu 11,5 pour le cours et 12 pour le portrait, ce qui est très bien, honorable. Alex, il a séché l'art plastique de toute façon. Ida, elle a 8,5 et 6. Ida, ça se passe de commentaires. On l'a juste regardé, monsieur. Cyril, t'as eu 6 en art plastique et 12 en portrait. T'es pas mal en portrait, hein. Mais seulement en portrait, hein. Faut pas t'avoir dans le cours. Pas vraiment. Monsieur Robert. Ah oui, c'est vrai. Sarah, tu as eu 6 en art plastique et 10 en portrait. Sarah, faut pas t'avoir. Non, on a dit stop les commentaires. Ah oui, c'est vrai. Pardon, monsieur. Je peux pas m'en empêcher en même temps. Moi, je pense que vous serez dispensé de conseils de classe la fois prochaine. Hein. Oh, mais monsieur, j'adore commenter des trucs. Vous savez que c'est moi qui commente tous les matchs. On a terminé par les notations. Ok. Donc, les notes finales, c'est ça, monsieur ? Si vous voulez. Vous voulez laquelle, la plus élevée, la plus moins élevée ? Allez-y, dans le bon ordre, comme vous voulez. Citez-moi un élève, monsieur. Choisissez une couleur. On va pas se jouer à ce jeu. Passons par Roberto, vous-même, allez. D'accord, alors Ida. Non, pas Ida. C'est Ida, elle a eu 13. Ok. C'est la meilleure note, monsieur. Tous les autres sont en dessous. Malgré son 6 ? Malgré son 6. Je suis à 12,8. Ah, mais là, vous êtes en moyenne générale. Ah oui ? Et nous n'avons pas vu encore la psychologie, monsieur Roberto. Et non. Mais d'ailleurs, Ida n'était pas là en psychologie. Hein. D'accord. Alors, je précise juste, on va peut-être demander de donner la parole à monsieur Rouleau concernant l'art plastique. Alors, c'est moi, je dirais qu'ils ont tous du talent. Après, faut savoir quand est-ce qu'ils vont l'exprimer. En peintre en bâtiment. Oui. Est-ce que ça sera dans un futur proche ? Merci, monsieur Rouleau, de votre imagination. Passons à la dernière matière qui est la psychologie avec Madame Descompenses. J'ai ouï dire que ce cours était un petit peu compliqué pour nos élèves de 3e. Est-ce qu'on a des notes ? Est-ce que ces notes reflètent la difficulté ? Moi, Roberto, en tant que délégué de classe, je considère qu'on devrait avoir des points dans cette matière. Parce que franchement, nous avons quand même. C'est le casque en disant parce que. Nous avons quand même 3-0 en moyenne. Pas beaucoup. Hein. Un 2 de. En fait, personne n'a la moyenne. La meilleure moyenne, c'est 6-5. Ah, c'est pas beaucoup. Madame ! Oui, alors. Soyez sympa avec nous, bordel ! Je voulais m'excuser parce qu'effectivement, je pensais que ces gens-là avaient des connaissances beaucoup plus générales. Ne vous excusez pas, mademoiselle, s'il vous plaît, des coupons. J'aimerais m'excuser quand même parce que. Donnez-nous des points gratuits ! Non, monsieur Roberto, c'est pas ça, du chantage. Ça a été une hécatombe et je crois que. 5 points gratuits, ça ira. T'as déjà eu du mal à calculer. Le questionnaire était beaucoup trop élevé. J'essaierai de m'adapter à la classe la prochaine fois. Oui, enfin, si je puis me permettre, mademoiselle Descompenses, c'est pas parce qu'ils sont nuls qu'il faut les féliciter. Et c'est pas parce qu'ils sont nuls qu'il faut les faire. En leur disant, en baissant le niveau. Non, le niveau mais du collège doit monter. Doubler notre moyenne. Vous allez avoir votre brevet des collèges à la fin de l'année, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc je compte sur vous pour vous remotiver et aller dans le bon sens de mademoiselle Descompenses. Du coup, on double les moyennes de psychologie ? Pas du tout. Parce que pour Cyril, ça change rien, il y a toujours zéro. Non, on était multiplie pas, on ne fait d'accord. rien. D'accord. Bon, bah, du coup, Ida, elle est toujours en tête avec 13 de moyenne générale. 13 de moyenne générale ? Yes ! Moi, j'ai 12,8, je suis pas loin. Alors, attendez, peut-être que pour 13 de moyenne générale, c'est la plus haute moyenne ? Oui, monsieur. Alors, je pense que nous allons lui remettre le. Une médaille ? Diplôme. Ah. Non, je le garde. En. Que nous donnons à chaque fois. Mais Rachel, t'étais pas loin. Hein. La meilleure ou le meilleur élève. J'avais 12,8 et t'as 12,6. Hein. Et encore, j'aurais pu arrondir à 12,7. S'il vous plaît, monsieur Roberto. Alors, je suis un monsieur. Je décerne. Alors, okay. Dites-moi son nom et son prénom. Bah, Ida Hildegard. Ida Lailama. Hildegard. Tu connais pas. Carlos, tu suis toujours rien. Je connaissais pas ton nom de famille. C'est toujours Roberto, il a pas changé. Mademoiselle Ida Lailama, vous êtes pour ce trimestre le moins mauvais élève, la moins mauvaise élève de la classe. Bon, 13 quand même, monsieur. Par ce diplôme, vous obtenez donc le droit de poursuivre vos efforts dans cette voie. Comme le Dalai Lama, monsieur. Exactement. Par contre, attention, tout écart de comportement sera assujetti à la remise de ce présent titre à l'établissement d'émission, c'est-à-dire nous. Bien alors, sûr, monsieur, si je peux me permettre, et vous serez pardon et vous serez tenu par ailleurs de rembourser les frais d'édition de ce titre, à savoir 272 euros TTC. Ah, c'est cher, monsieur. Alors, je vais prendre sur moi. Gardez-le précieusement. Oui, merci. Ok, alors, ensuite, nous avons... Ah, vous voulez la suite ? Vous êtes sûr ? Bien sûr. Oh, je vous donne la dernière, sinon. Hein. Non, donnez-moi les autres. Donc oui, j'ai 12,8, moi. Donc, vous voyez, c'est tout aussi honorable. Ça mérite presque un diplôme. Roberto, alors, Rachel, on n'a pas donné les... Est-ce qu'on lui met un encouragement ou est-ce qu'on lui met les félicitations ? Non, on lui dit que c'est bien. C'est quand même 2/3 de 20. C'est quand même 2/3 de 20. On va plutôt demander au professeur plutôt qu'aux élèves, s'il vous plaît, monsieur Roberto. Par exemple, monsieur le professeur d'ZT. Monsieur Bassi, s'il vous plaît, oui. Monsieur Bassi. Alors oui, franchement, Ida, dans mon cours, j'ai rien à dire. 17,5. Ouais. On peut pointiller encore un peu, mais oui. Bon, allons-y pour les félicitations pour mademoiselle, parce que sinon, nous n'aurons aucune félicitation. Par contre, je donnerai peut-être les encouragements à la deuxième qui était... C'est moi, monsieur. Je suis toujours pas une fille. Hein. Les Roberto, Roberto, est-ce qu'on lui donne les encouragements ? Oui, les encouragements. Franchement. À Rachel aussi, hein, c'était bien. Comme franchement, non. Oui, je suis d'accord. Alors, Rachel, elle en est où dans le classement général ? Parce qu'il ne faut pas tenir compte qu'une de matière. 12-6. Bon, c'est pas mal, ça, 12-6. Hein. On lui donne 0, aussi 0, les 4. Encouragements. Bah, c'est oui. 0-2 en dessous. Oui, c'est très satisfaisant. Tout ce qui est des 12, les 11, c'est pas mal. Hein. Ouais, alors les 11, bon. Attendez, il y a un autre 12. Il y a 12-1 de Alex, quand même. 12-1, c'est... Alex est bien aussi. Bon. Accordons-lui les encouragements. Non, je suis pas d'accord. Si, c'est bien, bon, Alex. Si, il faut les motiver. C'est vrai. Ils vont défraîchir. On s'en sort bien quand même. Adèle aussi, c'est pas trop mal. 11-5, hein, ça passe. Youpi. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Adèle, c'est un. Hey, je crois qu'elle a progressé ce trimestre. Elle peut que progresser avec moi. Oui, elle était partie de 5. Ah, c'est pour ça. T'as vu l'équipe qu'on a eue. Thomas. Eh ben, c'est bien dégueu, je trouve, moi, monsieur, sa moyenne. Hein. C'est 10,75. Hein. Oh, 10,75. Ça commence à piquer. Hein. T'as pas ton brevet à ce stade-là. Je commence à monter. Bien sûr que si. 10,75, on a. Et son non, brevet. C'est 10,80. Non, pas du tout. C'est 10. Non, c'est vrai. Votre langage, monsieur Roberto, laisse à désirer quand même. Je tiens à le souligner. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai eu. Pas 20 en français. Ouais, mais ça veut dire que ça va. Je suis excusable. Non, ouais. Et dans le bas du classement, alors dans le bas, nous avons Cyril. Cyril, il a 8. 8 de moyenne pour Cyrillic. Bon, avec l'excuse quand même qui nous vient de l'étranger. Pas d'excuse. Hein. J'ai pédalé un peu dans la Macédoine, j'avoue. Bizarrement, c'est en français qu'il a eu la meilleure note. D'accord. Comme quoi, il est bien intégré quand même. Il a étudié que le français. Ah non, j'ai confondu avec Ida, excusez-moi. Non, il est nul, c'est en sexe qu'il était bon. Apparemment. Mais bon, on était tous bons, donc bon. Et c'était la pire moyenne, ça, 8 ? Oui, non, monsieur, il y a Sarah aussi, Sarah de Serbie. Sarajevo, oui. Alors, Sarah, pareil. Elle a eu 7-7. Hein. Elle n'a pas eu de bol, pourtant. Oui, mais je crois que Sarah dort dans la rue, alors il vaudrait mieux être indulgent quand même. Hein. Vous dormez dans la rue, Sarah ? Oui. Ouais, bon, ça, bah, faites-le votre tente, hein, parce que franchement. Attention à ne pas vous enliser, hein, comme on dit, parce que si vous voulez obtenir votre brevet des collèges à la fin de l'année, il va falloir charbonner un petit peu. Hein. Il fait moins de 10 dehors, monsieur, quand même. Hein. C'est bientôt moi, vous savez, c'est pour ça qu'il est charbonné. J'ai rencontré vos parents, j'ai rencontré votre père, notamment. Il m'a demandé quelle erreur il avait fait avec sa fille. De ne pas avoir avalé. Bah, moi, je lui ai répondu non, je lui ai répondu simplement que souvent les erreurs se reproduisent. Vous voyez ce que je veux dire ? Bizarrement, il l'a mal pris, hein, votre père. Non, il m'a dit simplement que vous n'arriviez pas à trouver votre branche. Voilà, bon, moi je suggère qu'on vous oriente vers une filière de bûcheron, de bûcheronne. Est-ce que ça vous irait ça Elle se fera peut-être une tente en bois. Une tente en bois, enfin, ah ouais, pourquoi pas. C'est une opération qui vaut le détour. Est-ce que l'un des professeurs va intervenir concernant la petite dame? Ne vous reproduisez pas. Je crois que c'est une. Aussi, je vais protéger. Je crois qu'elle dort dehors et qu'elle est enceinte, alors il vaudrait mieux être. Vigilant. Sympathique avec elle. On a parlé de contraception. Je pense qu'à un moment donné, la sympathie s'arrête là où l'indulgence suffit à lui-même. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Moi, monsieur Bassi, je peux comprendre le désarroi de ma collègue de psycho. Le désespoir, même. Votre désespoir, mais clairement, vos 7 états là. Ça irait très bien avec elle parce que 0 dans votre matière, quand même, c'est nul à chier. 7-5 dans la mienne, franchement. Mais Sarah, que faites-vous là? Franchement, vous étiez présent même à la vie scolaire ou. Je ne vous ai pas vu. Moi, j'ai une question un petit peu plus globale. Sarah, avez-vous une. Est-ce que vous avez une raison de votre existence? C'était ça ma question plus globalement. Hein. Est-ce que ça vous intéresse? Elle est suicidaire aussi, elle dort dehors. C'est possible, ça se comprend, ça se voit dans vos notes. Il faudrait être empathique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous. Qui vous retient de sauter le grand pas, si je puis dire? Messieurs, c'est Noël bientôt, soyez sympas. Oui, c'est vrai, on m'a comme quand on me dit c'est Noël, forcément. Je vous jetterai des croquettes. Histoire de dire, mais franchement, je sais pas quoi faire avec vous. Accrochez-vous, Sarah. Accrochez-vous, ça raccroche. Accrochez-vous bien à la tente, elle va finir dans la rivière. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous allons clôturer ce conseil de classe de fin d'année. Nous allons nous donner rendez-vous en 2023. Bien sûr, je serai toujours là. Et moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Gavez-vous bien. Enfin, sauf pour vous, Sarah, évidemment. Encore du très beau collège. Elle est à la rue. Elle a juste pris cher. Elle peut pas bien manger. Tout ceci n'est que de l'humour. Hein. Les salauds. C'était Monsieur Boulard. Hein. C'était Sarah. Rien à voir avec je sais pas, avec du Théo, avec du Solène, avec du Ségolène, avec du Royal. Rien que tout ça. Bon les gars. Je peux plus voir vos gueules. Les filles, quand même. Ouais, heureusement que c'est qu'une fois par mois. J'ai envie de pisser un truc de ouf. On a commencé la radio plus tôt. Je me suis dit, vas-y, 21h, je peux aller pisser. Je fais comment maintenant pour aller pisser? Et tu pisses quand même. Mais à 22. On a commencé plus tôt. J'ai fait comme Antoine, j'ai pissé dans des bouteilles. Exactement. Ouais, la dernière fois j'avais pissé dehors. Bon, j'ai été regardé 2-3 fois, mais au calme. Ça passe. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Alors, ce qui nous attend. Non, pas c'est une soirée de merde. Ce qui nous attend. Aujourd'hui, on est mercredi. Oui. Demain, c'est donc jeudi. Pika Avenger à partir de 21h demain, émission de pop culture. Quel est le thème, Lisa? Alors le thème, ce sera les mangas. Les mangas. Ils ont joué à Pokémon, du coup? Alors, je suis un peu nul hein, en manga. Tu parlais pas de manga. Mais non, mais je disais, ils s'appellent les Pika Avenger. On est d'accord? Oui. Est-ce qu'ils ont joué au dernier Pokémon? Tu leur demanderas directement. Moi, je connais les tangas. 0970-407-306 pour appeler demain dès 21h, vendredi, Teddy. Ouais, tout est permis. C'est Noël. Ouais, c'est émission débat avec Linda, Pascal, Teddy. Et on prépare Noël, puisque. On va parler des fêtes. Dépenses, c'est commercial! Ça, c'est ce que le dirait Linda. Peut-être. Attendez, vendredi, 21h. Et puis émission Noël, puisqu'on en parle, ça sera la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, donc le 16 exactement. Donc quelques jours avant le réveillon, avant Noël, tout ça. Ça sera à vivre ici sur Indestar, sur Twitch. Et puis je rappelle bien entendu que si vous êtes sur la région Tourangelle, vous pouvez venir au studio, assister, par exemple déguisé en Père Noël ou en Mère Noël, ça sera pas mal ça, Amel. Il t'a regardé direct, Mère Noël. Je t'imaginais avec ton petit chapeau rond rouge. Non, c'est pas le chapeau rond. Un petit lutin vert. Et ça sera à quelle heure? Tout ce qui compte, c'est que t'es ça pas beaucoup d'être. Ça sera 21h aussi, en soirée. Oui, tout à fait. On vous souhaite une très bonne soirée, des gros bisous. C'est le pied de table. Et on écoute et quoi, Amel? On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on ne verrait pas toute l'équipe de. Ah, on verra pas. S'il y a des gens qui sont pas là le 16. Ah, c'est ton jeune. Et toi, tu seras là? Oui, tout le monde sera là, évidemment. Anaïs, tu seras là? Oui, je serai là. Ouais, vas-y, ouvre la bouche. On écoute quoi, Amel? Amel! Philippe! Bah, ouvre la bouche! Philippe! Je parle à sa sœur et c'est pas la bonne cause. Philippe! De Croque-Collins. On écrit sur les murs. Mais non, c'était les... Oh non, ah non, je te motive à chanter ça. C'est que de la bonne musique sur Indestar. Salut à tous.